Mokosh et Abby, vous vous réveillez dans un petit hôpital, un campement installé, un campement de fortune installé proche de Carf. Pas loin de votre chevet, vous voyez Torik. Toi, Torik, tu viens de rentrer de mission. Encore une fois, tu t'es pas battu, tu t'es contenté de soigner des blessés. Mais en voyant l'état de tes compagnons, tu comprends que la donne a été différente pour elles. Elles sont massacré. Mokosh a des blessures sur une bonne partie du corps et Abby également. Elles sont toutes les deux en vie, mais tu comprends qu'il a dû se passer quelque chose pendant ton absence. Ils ont encore foncé dans le tas. Ça m'étonnerait pas, ça. Il y a un docteur à côté de toi qui s'approche. Bon, eh bien, elle devrait pouvoir repartir aujourd'hui, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a mis dans cet état-là? Je sais pas, elles sont arrivées avec un groupe d'anabaptistes. Elles sont en état de parler là? Oui, elles sont quand même en état de parler. Donc du coup je me rapproche. Tu vois, elles sont installées dans des petits lits de fortune avec des draps blancs tachetés par endroits de petites touches de rouge qui laissent supposer que certaines des blessures ne sont pas complètement refermées. Bah, du coup je me dirige vers elle. Je dis Abby, Mokosh. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ouf. Longue histoire. Mokosh confirmera. Ouais. Je veux bien, mais pour vous C'est-à-dire. mettre dans cet état-là, quand même. Bah, on rentrait. Et puis on nous attaquait. Et on s'est défendu parce que mourir, c'est pas cool. Et voilà. C'était quoi? C'était du même dans le même genre que les gars qui nous ont attaqués la dernière fois? Non, non. Comment ils s'appellent les... Les clanistes. Merci, mais cela c'était RP. Notamment le clan du cafard. C'est celui-ci qui est en guerre avec le Rodactora. Ouais, je sais, mais c'était RP pour donner la parole à Mokosh. Ah. Moi, je comprends pas la parole, moi. De quoi, Mokosh? Tu dis que ce sont les clanistes? Exactement. Ah, les enfoirés! Mes tentatives de RP sont mortes à jamais. Maxime, avant de faire du RP, il faudrait te rappeler que le MJ n'a pas de second degré. Game sera considéré comme posé au maître du jeu. Donc j'ai bien compris que Mokosh m'avait dit tout ça. Ouais, Évidemment. d'accord. Pardon. Donc oui, effectivement, c'est Mokosh a raison. Ouais, c'est les canistes, notamment le clan du cafard. Avec le prend des Je suis pas habitué à ce que tu parles autant, Mokosh. Ah, d'accord. Non, bon, bref. Ouais. Ok, donc ouais, j'imagine que vous avez effectivement trop dû en baver. Ouais. Je suis désolé de n'avoir pas été là pour vous aider. Ah ouais, non mais. En plus de ça, c'était des malades. Enfin, genre. C'était pas genre des petits mecs, genre pas préparés. Hein. Genre, ils nous envoyaient les élites. Hein. Ah, Il y vous avait une. avez eu les costauds du groupe, quoi. Ouais. Une espèce de mec là qui faisait genre au moins 2 mètres de haut, bien baraqué. Mais vous Ouais, étiez, c'était nickel. dans une zone dangereuse ou Ah c'était ben non, plus on proche était de chez nous? sur la route en fait pour entrer à CAF. CARF, pardon. Ouais, donc CARF. ils avancent vraiment sur nos positions alors. Ouais. Ils sont en train d'arriver quoi, parce que là c'est En d'habitude effet, ils sont pas Toric, là tu quoi. sais, de ton côté, en entendant parler certains lieutenants et hauts gradés d'hospitaliers que ils sont beaucoup plus nombreux que vous. Et ça pose beaucoup de soucis, parce qu'en fait, même si en soi vous êtes plus puissant et mieux équipé, il y a tellement de fronts à défendre que ça devient très facile pour eux d'envoyer des petites escouades en plein milieu du protectorat tendre des pièges sur la route. Ouais, c'est des. Qu'on appelle ça des. Embuscade. Ouais. Oui, des embuscades, oui, c'est des trucs à la Exactement. guérilla, quoi. Des attaques guérilla. On attaque et on se barre, quoi. Exactement. Exactement, oui. Il y en a une qui s'est barrée, Toric. Cette salope. C'est une archère. C'est elle qui a fait ça à Mokoche. Et vous avez une idée de d'où il pourrait être aujourd'hui? Ou pas du tout? Bah en fait, je l'ai cramée à coups d'alcool brûlé. Et elle est partie en courant. Donc, soit elle est morte, soit elle est en train de fuir dans l'espèce de forêt qu'il y avait derrière. À ce moment-là, il y a l'hospitalier qui s'approche de vous, qui était resté lui au niveau de l'entrée de la tente en train de nettoyer son matériel. Si vous intéresse, je sais qu'il y a une escouade qui s'apprête à partir dans quelques heures pour les traquer. Ça vous permettrait de rembourser les soins. Ouf. Ouais, mais Attends, attends, est-ce que attends. De base, combien coûtent les soins là? Pour savoir. Attendez, je vais demander ça à mon intendant. C'est gentil. Non, parce Et il que. sort de la tente quelques instants. Les mecs, faut pas qu'on oublie que vous voulez toujours voir là notre espèce de shérif, hein. Enfin le juge, pardon. Ouais. Ouais, puis après, je sais pas si vous êtes vraiment. Enfin, là, c'est l'œil de Toric, le médecin, mais je sais pas si vous êtes vraiment en position de repartir sur du combat là. Parce que Non, puis, en vrai, Toric, c'est pas un bon plan parce que ils étaient bien vénères. Oui, non, mais je me doute bien. Après, je pense que là, il faut déjà que vous repreniez des forces. Bien On sûr. va éviter de rusher Non, mais bêtement. écoute, si la facture est trop chère, bah écoute, on n'aura pas beaucoup de choix. Après, si on peut payer les lettres de change, on paye les lettres de Oh, change. après, j'essaierai de m'arranger de mon côté. J'essaierai de voir si entre hospitaliers, si on peut pas s'arranger. Après tout, je pense qu'on a fait pas mal de choses pour eux depuis quelques temps. Je pense que, hein, ils peuvent nous faire une petite faveur. En effet, il revient. Et il tape sur son ordinateur Et qu'est-ce que donc en plastique. un ordinateur? Vous voyez, en effet, il est en train de tapoter sur une vieille machine à imprimer des tickets de caisse non fonctionnels. Bon, eh bien, ça vous fera 80 lettres de change chacune. Non, ça va. Je paye tout. Très bien. Il y a vous voyez Abby qui se croit au bar et qui paye sa tournée de De médicaments et médicaments. d'opérations chirurgicales. Alors du coup, 770, D'ailleurs, 80 chacun, ça fait. vous pouvez chacune me lancer un D6 supplémentaire pour regagner des points de vie. Ouais, mec, franchement, il me reste 610 lettres de change, je suis pas à plaindre. Sais, moi je Ah regarde bon? Abby toujours en mode. Mais d'où elle sort tout ce fric? Elle a toujours plein d'argent celle-là. Mais oui, je paye tout depuis le début de la campagne et j'ai toujours pas à sec. Allez, on va lancer le petit délice. On va honorer le dé paranoïa, c'est la première fois que je le lance. Je pense qu'elle nous cache des choses. Mokosh, elle nous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas avec elle. Cache ta gueule. Vous Du coup, ça fait. Moi, j'ai fait 5, monsieur le MJ. Eh bien, tu peux regagner 5 points de vie. Oh, oh putain, c'était pour les points. Oh, je suis content. Vous avez passé, passé plus d'une journée à l'hôpital. Donc, plus 5 PV, ça fait qu'en tout, j'étais à moins 9, plus 2, ça fait moins 7. Plus... Je suis du coup à moins 2. Moins 2 sur 10. Ok, je vais se mettre à jour. Ah oui, non, c'est à moi de le faire. Oui. Non, genre, je l'écris moi dans l'inventory. Hein. Ok. Ah oui, oui, c'est vrai que moi, je peux pas le faire genre au-dessus de... 10, t'as... attends, t'as 10 PV en tout? Ouais, du coup, je suis à 8, du coup. Vu que je suis à moins 2, donc ça fait 8. Attends, que je vérifie ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je compte 8. 8 points de vie et 6 points de traumatisme. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'en serais jamais mis 10, mais on... T'inquiète. Moins 9 sur 10. C'est quand même 2. Peut-être l'ego. Ah oui, non, mais non, non, pardon. Oui, ok. Moins 9, et c'était... En point de vie, du coup, tu passes à 1, parce que tu avais 6 blessures. D'accord, d'accord. Donc, merci. Vu que tu n'étais pas entré dans les traumatismes, c'était pas trop un souci. Et d'ailleurs, l'ego, on est toujours au même stade? Pardon? L'ego, est-ce qu'on est toujours au même stade ou est-ce que le repos nous a... Ah oui, en effet, vous allez aussi regagner un petit peu d'ego. Mais pas beaucoup, étant donné quand même subir une opération, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant. Ouais. Non, je vais vous retirer toutes les deux 3 points d'ego. Ça va. Cela, je t'avoue, Tori, je suis à 9 sur 10 en ego. Si on se barre, je peux pas faire grand chose. ah oui, là j'avoue que. Et toi, Mokosh, à ton tour, je te laisse jeter un D6 pour voir la qualité des soins que tu as subis. Il l'a pas. Oh non. Ah. Eh bien, ça me fait 6. Oh! Je vois qu'on a des préférences pour Mokosh. En même temps, Mokosh est à la porte de la mort, pire que moi. Mais... Ouais, Mokosh a bien failli y passer. Mais d'ailleurs, en vrai, Torik, là, comme ça a l'air affreux, mais dès que Mokosh a failli mourir, on a tous fait « Oh putain, y'a pas Torik !» C'est un one shot, on n'est pas censé mourir. Et ben si, et là j'arrive, et oui, elle est morte. Quoi? Ouais, ouais, c'était ça. Hein. J'avais super peur de cette situation, perso. Très bien, Mokosh, tu as donc pareil subi des soins de qualité, en même temps le prix était. Toutefois, tu ne seras pas soigné de 6 points étant donné que tu avais un point de traumatisme, celui-ci nécessite plus de points. Ah oui. Aïe. Du coup, ça se traduit par quoi, un point de traumatisme déjà? Là, j'en ai pris... Alors normalement, un point de traumatisme, c'est juste que ça te donne des malus. En fait, c'est vraiment une blessure grave qui met beaucoup plus de temps à soigner et qui te donne un malus de 1 à TG dans la plupart des situations. Est-ce que au fur et à mesure de la session, oui. Moi je peux essayer de temps en temps, du fait de mes capacités, de la oui, soigner ou de faire en sorte que ça aille plus vite dans la... Eh bien, en effet, tu as normalement un soin naturel qui est de... que je vérifie ça... mais qui doit être de 1 point par jour pour les blessures légères, enfin les blessures donc normales, et 1 par semaine, je crois, pour les blessures graves. Et de souvenir, simplement, ça peut être doublé par une réussite sur un jet de médecine. D'accord. Je vérifierai ça et puis je te dirai exactement. Ok, ça marche. Parce que bon, ce serait quand même dommage, vu mes compétences de médecin, que je puisse pas soigner ma copine. Bien sûr. En fait, depuis le début, c'est un charlatan, le mec. Ouais, voilà. Prends cette potion. Ça va te soigner. C'est de l'eau. Oh, ok. Je suis chaud. Moi, je propose, du coup, vu qu'on paye, et que ça veut dire que normalement, ils vont nous laisser partir sans qu'on fasse la chasse. Ouais, je te laisse retirer. Oh, c'est déjà fait. J'étais okay. À 770, ouais. Je suis passé à 610, ça correspond à 160. Mais du coup, j'ai plus d'argent que toi et... Oh là là. Oh moi, faut voir... on en est où niveau timing pour le juge? Voir d'abord, est-ce qu'on peut se reposer genre une petite nuit avant de partir ou ce genre de truc. Voir est-ce qu'on doit partir maintenant ou est-ce qu'on a un peu de repos. Alors oui, déjà par rapport à ça, là vous êtes en début d'après-midi. Et vous aviez une semaine, et depuis, il s'est écoulé 2 jours. Non, 3 jours. Donc, d'accord. Il ne vous reste que 4 jours. Mais là, ton décompte de avant, jours. Avant, 4 jours, pardon. Ouais, ton décompte de jours, le jour J, c'est le jour où on doit y être. Ou plus ou moins, mais sachant qu'il va rester plusieurs jours sur place, mais vous ne savez pas combien de temps. D'accord, oui. Donc on doit pas non plus trop tarder pour partir. C'est ça. C'est ça. Et le voyage peut-être sur combien de semaines? Peut-être qu'il va rester seulement 2 jours. Ouais. Le voyage sur combien déjà? Ça dépend si vous la manière dont vous y allez, mais ça devrait prendre ouais maximum 2-3 jours. Mm-hmm. Ah quand même. Donc bah, en gros, mais, c'est pas la porte à côté. Hein. Souviens-toi, Tori, qu'on a traversé quasiment genre un beau morceau de la map. Hein. Oui, oui, non, mais dire après en soi. Si vous voulez, je peux vous la reposter. Faut pas traîner quoi. En soi, faut pas traîner quand même. Tu vois, je veux dire, c'est ça. Si c'est dans 4 jours et qu'on avait 2-3 jours, en espérant qu'il ne se passe rien pendant le trajet. Ouais. Après, ça dépend aussi du chemin que vous allez emprunter. Si jamais. Là, je pars de. 2-3 jours si vous faites le tour en restant dans le protectorat. Mais vous pouvez simplement faire une ligne droite et à vol d'oiseau. Donc là, vous pouvez le regarder sur la carte, ça va être beaucoup plus clair. Donc ouais. Si on peut très bien tirer un trait entre Carf et Verflush en sortant du protectorat. Ça fait peur quand même. Vous évitez les grandes routes. Ouais, mais donc en gros, vu dans l'état où elles sont, parce qu'elles sont pas forcément soignées complètement, elles ont pas récupéré 100% de leur possibilité, c'est sûr. Je pense qu'il serait quand même plus sûr, plus long, mais plus sûr de prendre la route dans le protectorat. Quoi. Moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on fait une après-midi détente, on se repose bien, Moko chez moi, parce qu'on est encore un peu en centre d'opération. Et genre demain à l'aube ou alors dans la nuit si vous êtes vraiment pressé, on y va. Quoi. Est-ce que une fois arrivé à la justicienne, si on fait donc par la justicienne, est-ce qu'il y aurait pas possibilité d'avoir un transport qui puisse nous amener ou nous rapprocher le plus possible de là-bas quoi. Bien sûr, vous pouvez louer ou acheter des chevaux. Ou simplement, par des calèches, mais c'est vraiment du transport de riches, parce que vu l'état des routes, tout ce qui est vraiment transport par cheval, c'est ça se fait, mais c'est un budget. Ok, non, mais au moins, on sait qu'on en dernier recours, si on est trop juste, on a cette possibilité, quoi. Oh, okay. Je viens de me rappeler d'ailleurs, en parlant de budget. Oui. Faut pas qu'on oublie... Oui. on l'a avec nous, le sac. Le sac de... Attends, je ressors mes notes de la dernière partie. L'acrobate. Ouais. Non, oui, vous l'aviez gardé. Ils nous l'ont pas volé. Non. C'est bon. Ok. D'accord. Doric, viens voir. Donc, je me rapproche assez près. Et en effet, tu vois que dans un petit sac... qui est posé sous le lit d'Abby, qui était habilement glissé sous ce dernier. Ce dernier est rempli de lettres d'échange. Mais rempli genre combien? Je saurais pas dire, il y en a peut-être pour 500, voire peut-être plus, lettres d'échange à l'intérieur. Ok, du coup je... En tout cas c'est je sûr, c'est une somme énorme. Je pose pas de questions, mais je fais comprendre aux filles qu'à un moment donné je vais leur demander d'où elles sortent ça quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas l'endroit quoi, c'est pas l'endroit où j'ai posé. Ouais, mais vous avez exactement. Où tout cet argent? Quoi, 500 lettres de change dans un sac? Le pire mec au monde quoi. Ouais, le gros loser. Oh, trop bien. Quoi, vous voulez dire qu'on va se trimballer pendant des kilomètres en partant de telle ville avec 500 lettres de change dans un sac? Ça serait vraiment sur la liste. Oh là là. Donc oui, non, je fais un petit un regard genre bon, waouh, c'est beaucoup et on en reparlera plus tard. Du coup, à la limite, on peut faire des courses pour se préparer à partir. Je sais que par exemple, Mokosh a toujours son piège à ours, je crois. Oui, j'ai un piège à ours. Oui. Ce sera génial. Mais on peut prendre quelques provisions, etc. Genre faire le marché vite fait, s'acheter 2-3 trucs. On se repose ce soir et demain on y va. Moi, c'est le programme que je vous propose. Après, faites ce que vous voulez. Alors, attends, moi je regarde. Qu'est-ce que j'ai dans. Ah oui, d'ailleurs, Torik. Oui. J'ai utilisé ton fusil, il marche très bien. Enfin, il marche très bien une fois sur deux. Mais quand il marche, oh là là. Alors, du coup, moi, si tu as utilisé mon fusil. Et les munitions, tout ça, j'en suis où là? C'est le fusil que je te porte. Oui. C'est ce qu'on a pris au. Oui. Mais j'ai les munitions sur moi quand même ou tu les avais avec toi? Non, c'est moi qui les porte du coup. Oui, mais je pense que si tu lui as laissé le fusil, tu lui as laissé les munitions aussi. Ouais, mais alors. Qu'elle le porte sans pouvoir l'utiliser. Du coup, il en reste combien? Il en reste 9. Elle en a utilisé 2. Non, J'en avais 9 et il m'en restait. Attends, il reste. Ah, attends, moi, j'ai noté. On avait que 9 ? Non, vous moi. En avez 11 de souvenirs, oh. Vous en avez 11 de 12 mm. Oh. Ouais, alors, ouais, bon. Moi j'avais au départ ouais, 9 munitions de poussière de feu. J'en ai utilisé 2, j'en avais 7 sur 9. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais là, j'ai entendu le fusil de chasse. Ouais, là, ah, là le fusil de chasse. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, parce que moi j'étais dans mon mais parce que en fait, moi là j'ai marqué. On a utilisé deux d'un coup avec le double canon pour faire plus de dégâts. C'est que là moi j'avais marqué genre que le fusil est chargé avec 2 balles et qu'il reste 9 balles en plus. C'est on ça. Je sais pas si on s'est pas compris ou si c'est juste qu'on a pas les mêmes chiffres. Ouais, donc il reste 2 balles et 9 balles supplémentaires. Et ouais, du coup, il reste 11 munitions en jeu. 11 munitions, d'accord. 2 chargées, ben, 9. Tant mieux que t'aies pu t'en servir, que ça ait pu t'aider. Ouais, ça va. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. Du coup, voilà, si jamais tu. Je sais que ça coûte hyper cher, tout ça, parce que voilà. Mais si jamais on trouve quelques munitions, tu pourras pas hésiter à investir. D'accord, ok. Mais écoute, on verra sur le. Ouais. Au moment de. Du coup, au niveau des rations, tout ça, je sais plus où on en était. Par contre. Après, on est bon. Il nous reste 3 rations de chèvres. Ouais, c'est ça, il nous reste des chèvres. Parce que c'est qui c'est, c'était moi qui portais ou pas? Je sais plus. Non, les chèvres, tu les avais laissées à Abby. D'accord. Ok, ça marche. Mais. Du coup, ouais, il reste 3 rations de chèvres. Après, on peut quand même acheter le minimum, genre de l'eau et des petites rations au cas où on a des problèmes sur le chemin, etc. Quoi. Ouais. Puis une ration, c'est une personne, non? Je sais plus, à toi. C'est ça. Ouais. Sachant que vous pouvez également chasser sur le chemin. Ça se fait simplement avec des tests de survie. Rien de plus compliqué, mais forcément, si vous n'êtes pas très très doué. C'est pas moi qui vais chasser, en tout cas, je vous le dis tout de suite. Et quand j'entends chasser, je comprends aussi la cueillette. Je suis pas obligé de partir à la course à l'écureuil pour vous nourrir. Ça va, j'ai un piège à ours. Ouais. Pour attraper un lapin. Ouais, voilà. Le machin, il est broyé. Non, mais je vois tellement mon coche jeter piège à ours dans le lapin, tu vois. Et c'est, je l'avais imaginé comme ça d'abord l'utilisation de mon piège à ours. Genre en combat, puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment possible. Non, ce qu'il te faudrait, c'est un boomerang. Enfin, voilà. Du coup. Ok. Bah écoute, dans ce cas-là, là vous êtes apte à vous mettre debout à ce qu'on, Non, mais oui. Il a dit qu'on pouvait partir. Ok, bah écoutez, il faut qu'on se repose, mais un après-midi shopping, suivi d'une soirée normalement tranquille à dormir, normalement. On devrait ouais, pas. Bah écoutez, ma foi, quand vous voulez, moi je vous suis. Il y a un marché dans le coin? Yep, le grand marché de la ville, vous y êtes déjà allé plusieurs fois. Ouais, à Carrefour. Qui n'est pas des plus actifs en ce moment, mais si vous attendez quelques jours, il y aura là vraiment tous les producteurs locaux qui vont se ramener. Les pains producteurs et également les forgerons. On n'a pas le temps. On ira une prochaine fois pour celui-là. Non, mais on n'a pas le temps d'attendre, mais on peut voir ce qui reste sur les gens encore là. Oui, bah si après, au moins pour le trajet, quoi. Oui, il y a toujours des boutiques d'ouvert. C'est vrai que vous n'avez pas forcément le temps. Non, malheureusement. D'attendre. On part demain. Bah, écoutez, moi, je vous propose d'y aller. Ouais, ça va être genre acheter des rations, tu vois, le minimum vital, eau, nourriture. Après, genre les autres petits détails, c'est pas important si on n'a pas de... On a de quoi nous défendre naturellement, donc ça va. Très bien. Okay. Vous vous relevez, vous, Abby et Moka, vous récupérez vos affaires, puis vous vous dirigez en dehors de la tente. Lorsque vous sortez, vous avez l'hospitalier qui est à côté de vous qui vous salue. Et vous reconnaissez dehors la ville de Karf, le camp hospitalier qui s'était installé en dehors de la ville, faute de place. Et puis ça déambule un peu de partout, hein. Vous avez les préservistes, donc qui pour rappel sont ces hospitaliers armés d'épées et de casques qui cachent l'intégralité de leur visage, qui sont en train de se préparer à sans doute mener des assauts contre les cafards qui sévissent dans le coin. Moi je les salue, hein. Le salut des hospitaliers. Hein. Et d'ailleurs, parmi eux, tu remarques celle qui se fait appeler Sarah Rash, qui est en train de mettre son casque. Et donc, Abby et Moka, je vous en rappelais peut-être pas, mais il s'agissait de la personne qui avait mené l'assaut contre Moon Luther lorsque vous aviez dénoncé la présence d'Aberrant dans cette dernière. Ah. Mais Moka, je t'en souviens pas. Je vois pas de quoi il parle. Ouais. Non, Moka, je me cache. Je vais la saluer. Allez, salut là, oui. Arrête. Ah bah oui, mais moi, au final, je suis quand même. C'est une collègue. Hein. Ah bah oui, moi, je suis collègue avec DSS. Mais je comprends quand même que voilà, on a besoin d'elle, on a besoin d'eux. Ça fait partie de, malheureusement, de la dure réalité de notre monde. Moi, je vais essayer de détourner l'attention de mon coach. Oh, regarde là-bas. Le GMSN. Si elle est à côté, vite fait, je dis bon alors, je la salue et je dis vous allez partir sous peu. En effet, on a repéré des cafards qui ont mené un assaut contre des anabaptistes ce matin même. On va s'en occuper d'ailleurs, si vous voulez venir, on a besoin d'aide. Ah, ça aurait été avec plaisir, mais mes amis ne sont pas encore remis d'une de leurs attaques. Elles ne sont pas en état de faire quoi que ce soit et il faut que je veille sur elles. Je comprends. Prenez soin de vous. Oui, soyez fort. Elle monte sur son cheval qui lui est également en armure. Bon courage à vous. Ok. Et puis elle commence à mener tout le groupe de préservistes juste derrière, tous masqués et armés de leur épée préservalis, qui la suivent à la vitesse de son cheval, mais eux pour le coup à pied. Et tout derrière, simplement, un groupe de famulanciers comme toi qui eux sont simplement été réquisitionnés pour mobilisés plutôt. Ouais. Exactement. Ok. On continue. On se dirige vers le marché. C'est ça, vous passez les portes de la ville, vous passez devant deux anabaptistes. Garde le pont et puis vous vous rendez au niveau du marché. Vous commencez à connaître entre la boutique du ferrailleur, les étals, les forgerons, ceux qui vendent les épées, les armures, les ascètes qui eux vendent leurs récoltes, celles qui sont faites dans les moulins aux alentours. Je sais pas si vous cherchez donc exactement ceux que vous cherchez d'ailleurs en particulier. Je pense des rations de... Ouais, de nourriture. De quoi tenir. Enfin, les rations simples, quoi, pas forcément des trucs du... Ouais. Et de l'eau. Du meilleur goût, quoi. Pas des trucs trop chers. Oui, bah, les fameuses portions de bouillie, là. Ouais, voilà, nourrissante, quoi. Enfin, un truc nourrissant, mais voilà, qui se conserve bien. Passer devant quelques étals, justement, Et un petit peu à la manière d'aujourd'hui, vous avez écrit sur des petits bouts de papier qui sont pliés sur eux-mêmes afin de tenir debout le prix de tout ce que vous avez d'achetable. C'est-à-dire quoi? Plus un ego x 3. Parce qu'il y en a 3. C'est-à-dire que c'est utilisable 3 fois. Ah, d'accord. Putain, c'est pratique ça. Oui. Mais du coup, ça soigne l'ego, c'est ça? Exactement. D'accord. Parce que certains mets, justement, notamment tout ce qui est caramélisé ou à base de miel, c'est beaucoup plus de valeur et ouais. Beaucoup plus rare que le reste. C'est ça. Donc, c'est vraiment un luxe que d'acheter ça. Donc, c'est un petit peu comme aller au restaurant de nos jours. Forcément, c'est un petit luxe, mais qui permet de. C'est un petit plaisir, restore, on va dire. Quoi. Ok, ça restaure c'est plus ça. Que les. Exactement. D'accord. Alors, c'est, quand tu mets. C'est bien au moral d'aller au restaurant une... plutôt que de finir le reste de pâtes. Et quand tu fais. Quand tu mets plus une ration, ça veut dire quoi plus une ration? Ça augmente de 1 votre stock de ration. Ouais, alors je sais moi ce que je vais acheter. Je suis dans. Petit fifou, j'achète du coup. On est 3, on part à peu près 3 jours. Du coup, j'achète 3 rations de chaque, genre ragoût d'insecte, ragoût de viande blanche et ragoût de viande rouge. Très bien. En effet, les stocks sont pas illimités. Tu vois que ils ont pas tant que ça à vendre, donc c'est plutôt intéressant. Le mec commence à sortir. Qu'est-ce qu'il y a ? On achète toutes les tables. Alors, du coup, quand tu vois le ragoût d'insecte, le ragoût de viande blanche et le ragoût de viande rouge, elles ont les mêmes effets, mais parce c'est que... Ça. Le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même parce que c'est de la viande rouge, mais en soi, elles donnent la même chose, en fait. C'est ça, globalement, vous savez que la viande rouge est simplement un peu plus chère que la viande blanche, mais qu'au final, l'une ne restaure pas plus que l'autre. C'est juste que l'un est un mets un peu plus luxueux que l'autre. Ça s'appelle le roleplay. Oui, non, mais c'était juste pour... Bon, après, je demande, oui. Hein. Je comprends que mais... c'est plus appétissant de manger de la viande rouge que de du ragoût d'insectes. On est bien d'accord. Là, je prends pas tout, comme ça. Il y a les trucs qu'on va manger pour survivre, comme le ragoût d'insectes. Et il y a les trucs qu'on va manger comme on peut, avec avec un peu plus de jeu, comme la chèvre et le ragoût de viande rouge. Bah, du coup, le marchand, lui, est plutôt content de se débarrasser de ses mets et il te fait le prix à 60 lettres de change. Oh! Si tu t'étais amusé à calculer, ça t'aurait coûté 66. Un peu plus. C'est ça, il t'a arrondi. Du coup, moi, il je. T'a arrondi ça à 60. Pour ma part. Je vous laisse payer les. Enfin, je laisserai Mokosh aller sur l'état des assets à Nabatis parce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants pour nous. Bah moi du coup j'étais parti pour faire ça justement, mais si on peut y aller ensemble Mokosh, si jamais t'arrives à avoir un bon prix, mais sinon j'étais parti pour acheter des insectes caramélisés. Miam. Ouais. Bah allons-y alors. Bah c'est parti, je te laisse parler en premier vu que c'est chez toi hein. J'y vais sans parler spécial. Enfin, je dis juste, je viens là pour ça. Oui. Si vous voulez. Des insectes caramélisés. On s'en prend un chacun, c'est ça? 2, 3. Vas-y, 3 chacun. 3 chacun. Non, mais moi, ça me va, hein, en vrai. En plus, ça nous fait du stock pour, par exemple, si un jour. Bon, là, c'est PRP, mais genre en combat, on est dans la merde. Je m'en souviens. Ouais, 3 chacun. Ok, très bien. Bah, ça marche. Ça vous fera 70 lettres de change. Bah, que, du coup, je règle. C'est moi qui règle. Ok. Psst, marchand. Oh gosh. Bah, c'est ce que j'attendais qu'il fasse, mais il veut pas. Je sais pas ce que c'est, marchandage. Oh gosh, vas-y. Dis que t'es du même clan et que c'est pour une mission, pour le groupe, un truc du genre. Je chuchote ça à l'oreille de Mokosh en vrai, parce que je suis à côté, mais. C'est pas genre une voix. Non, j'arnaque pas, mais. Mais fais pas chier. Non. Du coup, vu qu'elle parle pas, je regarde le vendeur et je dis écoutez, je pense que c'est pas souvent qu'on vous achète autant. d'un coup. Et étant donné que mon ami ici fait partie de votre groupe et que nous avons une mission très importante justement pour aider un groupe d'anabaptiste, serait-il possible que vous fassiez un petit geste à notre égard? Je sais que les hospitaliers sont pas forcément bien aimés, mais au moins pour mon ami ici, anabaptiste, peut-être pourriez-vous faire un geste. C'est un jeu de négociation avec une difficulté de 2. Tu vois, c'était ça que tu devais faire, Mokosh. Il obtiendra 5 lettres de change de réduction par déclencheur. Alors attends, négo, c'est où là-dedans, là, putain. 5 plus 5 par déclencheur. Alors j'essaie de trouver négociation déjà, je sais plus où c'est. Ah, c'est négociation, charisme. Donc, tu as 4. Fait 4, oui. Tiens, il a pareil que moi. C'est ouf, hein. Alors j'ai 1, 2, j'ai 2 réussites et un déclencheur dedans. Bon, tu la vois, j'ai l'air touché par ton discours. Bon allez, 60 ça suffira. Vous êtes vraiment bien aimable, merci beaucoup. Je vous laisse d'ailleurs donc suivre les 120 lettres de change que vous avez dépensées en tout de vos fiches. Bah, j'ai déjà déduit, moi je déduis en direct. Hein. Donc, okay, et donc tu as dépensé, en tout, vous gagnez plus 9 rations. Oui, j'ai noté ça dans une pointerie. Hein. Moi j'ai séparé en chèvre sec tout ça. Très bien. C'est cool. Ah, qui c'est qui prend tout? Parce que là je sais pas, qui c'est qui prend les rations? Ça on se le partage, genre, moi perso j'écris pas ça sur la fiche, genre je mets juste dans une inventory. Oui c'est ça, ça on considère que c'est l'inventaire on va dire un peu commun. Ouais. Attends, on va pas s'amuser à calculer le poids de la bouffe que vous transportez. Ouais. Pour voir si ça vous encombre pendant les combats. 3 rations. Et comme ça on fait comme genre Elder Scroll où genre dès que tu dépasses tu peux plus marcher. Merde. Mais c'est ça hein. Et du coup t'es obligé de manger tes rations pour pouvoir te déplacer. Alors attends, d'insectes. Oui en effet c'est vrai que c'est le truc un peu le plus improbable du monde quoi. C'est tu sors de la boulangerie, t'as trop de pain, du coup tu le manges dans la rue pour pouvoir rentrer chez toi avec le pain qui te reste. Alors que t'as déjà mangé il y a 5 minutes, c'est un... Les 9 rations dans sa carte, putain c'est beau. Voilà. Là les gars, franchement, on a de quoi bien bouffer. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait pas d'eau, mais je suppose que du coup, nous, on a de quoi boire. Parce que s'ils vendent pas d'eau, c'est que... Si, l'eau est en vente, mais au puits. Ah oui, c'est vrai, il y a le puits. Le puits, et elle est d'ailleurs payante, puisque c'est les hospitaliers qui tiennent le puits. Bien sûr. Oui, bon, venez, on va aller boire de l'eau. Et cette fois, du coup, bah, vu que Toric a payé et que j'ai payé, Mokosh, tu payeras à hauteur à peu près de 60 lettres de change par rapport au prix que ça peut coûter. Mais bon, cette fois-ci, je vais parler quand même. Oh, ça va, ça va coûter cher. Attends, mais 10 lettres de change pour 2 jours d'eau. En vrai, on rend plus chacune la nôtre et on peut se la partager, on tient les 3 jours. Comme vous voulez. Donc, vous avez quelques endroits de relais. Bien sûr. Et vous pouvez aussi boire l'eau que vous croisez, que vous trouvez dans des points d'eau sur la route. Oui, mais là, c'est l'eau purifiée par les... En effet, ici, l'eau a l'avantage d'être purifiée. Du coup, ouais, ça fait 30 lettres de change. Et puis moi, je sais pas boire l'eau qui n'est pas purifiée. Oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment cette manière de le dire d'un italien qui ne sait pas boire. Oui, non, mais oui. C'est genre, tu fais, tiens, bois. C'est ça coule à côté. Non, je n'ai pas réussi à viser. C'est le bras qui contrôle tout. Je ne arrive pas. Allez, Mokosh, paye-moi ça. Bon, bah, je paye. C'est combien du coup? 30. 30, putain, c'est beaucoup. J'ai pas d'argent. Non. Mokosh, tu payes rien depuis le début. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir payé parce que j'ai plus 666 lettres de change. Il a plus le malheur sur lui. C'est cool. Ça, ouf. C'est vite dit, hein, connaissant Toric. Ah, écoute. D'ailleurs, vous me voyez vite fait prendre quelques médicaments au passage. Ah. Oui. Ça arrive. Surtout avec l'hospitalier, ça prend un médicament pour rien, ça. Je suis hypochondriaque. C'est le mec, il serre la main de quelqu'un, il prend médicament direct. Genre, ah, moi je. Ah non, mais moi j'ai des gants, tu sais, en plastoc, là, en latex. Je vais pas pas. Bien sûr. Et bien sûr, ce, je crois que nous sommes prêts à aller nous reposer. Ouais, je... À moins que vous ayez quelque chose à faire avant. Non, j'aurai des choses à faire quand on reviendra dans la ville. Ah, parce qu'on revient après. On revient pas après. On revient après. Pourquoi on reviendrait? On y a passé un peu de temps quand même ici. Non, mais parce que moi je pars pas tant que j'ai pas récupéré quelque chose qui devrait m'appartenir de droit. Ça, je t'en avais parlé. Ah, moi je ne comprends pas trop, mais je dis ok. Ouais, mais enfin ça fait beaucoup d'allers-retours quand même. Bah, sinon ça veut dire qu'on tente de le récupérer. Théorique comprend bien que récupérer n'est pas au premier degré. Avant de partir, donc cette nuit. Donc du coup, on nique notre repos. Non, non, mais là, vous n'êtes pas en état de récupérer quelque chose. Je m'en fiche. C'est soit non, on revient ici et je récupère. On reviendra. Au pire, on reviendra. Vous inquiétez pas. Ouais, de toute façon, j'ai cru comprendre que le marché d'ici est plutôt très sympathique quand tous les marchands sont là. Ce qui est dans plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, peut-être ils reviendront. On pourra toujours revenir et faire les deux. Et alors, on va éviter non plus plusieurs semaines parce que j'aimerais éviter qu'elles disparaissent, mais enfin, autrement que par mois. Non, mais je sais pas. Quand est-ce que c'est programmé régulièrement ce grand marché Monsieur là-haut, monsieur la petite mm-hmm. voix. Le marché avec, tu sais, quand il y a tous les forgerons, oui, les machins. Oui, c'est toutes les semaines. Oui, voilà, donc on pourra revenir une fois qu'on a terminé ce qu'on a à faire. Ouais, mais Moka, ça m'a stressé là. Moi, au début, j'étais en mode c'est bon, on reviendra. Et maintenant, ça me stresse. Imagine, elle y est plus quand on revient. Mais c'est vrai qu'elle est là pour Je sais pas ce qu'il faut faire exactement. Si vous me mettez pas au courant, je ne peux pas vous aider. Mais. Je pense que, honnêtement, vous êtes pas trop en état de partir dans des combats, si j'ai bien compris. Mais non, non, non. Mais de quoi tu parles? Je crois que je vais attaquer mon propre clan. Non, mais oh. Avec toi, je pourrais pas affirmer que tu ne le feras pas. Moi non plus, mais là, c'est non. Pas le cas. Parce que là, tout de suite, y a juste quelque part des choses qui traînent très intéressantes. Mais il faut pas laisser traîner, c'est tout. C'est genre... Qu'est-ce que tu dois récupérer? Dis-moi. Une magnifique tenue. Une jolie armure. Une tenue. Une armure. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu dois faire pour la récupérer? Aller dans les égouts et la voler. Ah, donc c'est du vol. Donc déjà, ça implique... Oui, bah oui, quand on parle de récupération, je parle pas de récupérer quelque chose que j'ai posé chez le postier. Donc on parle bien de si ça foire, ça peut finir en combat. Oui. Il y a du monde là-dessous? Oui, il y a tout mon clan. Enfin, genre pas littéralement tout mon clan, mais je veux dire, il y a tout le clan de mon clan qui est dans la ville, ils sont tous... Et donc, tu es en train de me dire que tu n'attaquerais pas ton clan, mais tu peux le voler quand même. Non, mais écoute, là, on parle de quelque chose qui est super rare, qui a l'air super pratique et efficace. Moi, je suis désolé. À un moment, j'ai voulu l'acheter légalement, on m'a dit que c'était pas possible, parce que c'est une armure rare, elle existe qu'en 3 exemplaires, etc. Bah, il faut que je la récupère par tous les moyens que je peux. Et tu crois pas que, justement, du fait qu'elle soit rare et tout, elle soit pas super bien gardée? Ouais, mais c'est pour ça que je comptais y aller discrétion, la voler tranquillement. Enfin, on est efficace à un moment, merde, arrête de douter de nos capacités. Moi, c'est le tranquillement qui me gêne, justement. Et quoi, tu préfères qu'on les tue tous? Il faut pas exagérer, là. Non, non, mais justement, j'y crois pas, tranquillement. C'est un mot, avec vous, ça, tranquillement, ça n'existe pas. On a réussi à avoir les plans des sous-sols, hein. Des égouts. Donc, il y a clairement moyen de faire un petit plan. Mokosh, toi qui étais avec elle depuis le début, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que... Je pense qu'elle peut le faire. Ah! Mais je pense aussi que ça peut rater, mais elle peut le faire. Puis au pire, si ça rate, vu qu'on part normalement à l'aube, bah on part en courant à l'aube. Donc clairement, on sait que une fois qu'on a fait ça, et si jamais tu t'es fait choper, on pourra plus revenir ici. Ah si. Bah oui. Bah tu crois pas que ta tête sera, enfin que nos têtes seront mis à prix par ton clan? Et est-ce que ça va pas remonter après jusqu'à la justicienne? Non mais déjà on se calme. Enfin genre si ça remonte ce truc, ça sera juste des on n'est pas à l'hôpital ici. On n'est pas genre un truc super soudé, hein, tu sais, genre. Sinon, je réfléchis à tout, hein, tu sais. Quand j'ai vu comment ça a tourné avec le. Non, mais je dis pas qu'il y aura peut-être pas des mercenaires qui seront engagés pour essayer de me tuer. Et je dis juste que, enfin, genre, la majorité des apocalyptiques, on en auront rien à foutre. Ça sera pas la première fois qu'on fait ce genre de truc. Hein. D'accord, bah, écoute, je. Sauf si Dieu d'un coup m'indique le contraire, mais moi, je. Dieu n'a pas l'air de m'indiquer le contraire, donc c'est que j'ai raison. Mais est-ce que Dieu est là déjà, hein? Est-ce que Dieu est là? Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Je ne sais pas de qui tu parles. Je parle de Charlie, mais qui est Charlie? Mais où est Charlie plutôt? C'est là, les mecs ne savent pas faire la différence entre le ERP et le non-ERP, tu sais. Ils... Bah écoutez, moi je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous me dites que ça se tente, eh ben écoute, on n'a qu'à le tenter. Mais... Après, tu l'as pas vu de tes propres yeux, mais ce truc, c'est un bijou. Genre, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mon dessin, tu vois. Genre, si je saurais tirer le tarot de l'apocalypse, il me dirait de le faire. Bon, c'est sûr. Mais si tu veux, moi, je suis assez détaché du matériel. Mais si, te connaissant, j'imagine que, et vu l'envie que tu as de la récupérer, je me doute bien que c'est une magnifique pièce. Magnifique. Je vous propose quelque chose. On tente le coup, mais si on voit que vraiment c'est irréalisable, on reviendra plus tard. Ok. Bon, on sent que c'est trop bien gardé, que ça va finir droit dans le mur, honnêtement, je pense que vous n'êtes pas en état, là maintenant, de partir dans des combats qui seraient trop, enfin, qui seraient trop compliqués. S'il y a un mec, bon, à la limite, tu l'assommes, ça passe, mais si ça commence à faire un peu trop nombreux, honnêtement, je pense que ce serait pas très judicieux d'y aller. Donc, je vous propose ça. Mm-hmm. Et bah du coup, notre nuit de repos est en train de se transformer en nuit blanche. Bah, mais on a des insectes harmonisés. Moi, je suis pas trop amoché pour l'instant. Il y a que vous. Moi, ça va. C'est pas grave. Ça vaudra le coup. Ok. Ah putain, ça fait longtemps que j'attends. Je vous suis. Moi, je ne sais pas où on va. Je ne connais rien du tout. Bah, ce qu'il faudrait, c'est que... le MJ confirmera, mais normalement, elle m'avait dit que c'était à l'arrière-salle, hein, qu'elle était gardée maintenant. Oui, en effet. Puisque la corneille est rentrée, l'armure n'a plus de raison d'être exposée. Et elle est rentrée il y a combien de temps? Parce que si ça fait une semaine, il faut que j'aille au moins voir qu'elle n'a pas été bougée. Ou... C'est ça, c'est à peu près une semaine. Ah oui, quand même, en une semaine, il a pu se passer des trucs. Bah, du coup, il faut qu'on parte vite fait en repérage. Oui, là-bas, on allait voir est-ce que la corneille la porte et est-ce que du coup, elle est toujours exposée en arrière-salle tranquillement. Et selon le cas, on s'avisera de qu'est-ce qu'on fait. Alors, coup, question. On est bien d'accord que là, vous parlez d'aller dans les sous-sols. Oui. L'endroit où tu étais venu avec nous une fois, oui. Voilà, donc est-ce que ma présence ne va pas forcément éveiller ou créer des problèmes? Je sais que je suis pas très aimé par chez toi. L'arrière-salle, elle sert à quoi d'habitude? Est-ce qu'elle a des particularités, genre utilisées pour certains clients spéciaux ou ce genre de trucs? De ce que tu sais, en effet, certains clients spéciaux peuvent demander à être accueillis dans l'arrière-salle, mais la plupart du temps, elle sert surtout en fait pour le membre du culte apocalyptique qui se trouve dans la ville, en fait pour l'annuée de Karf. Ouais. Ce sont eux qui vont en fait y dormir tout simplement. Est-ce que l'annuée de Karf stocke leur alcool? Est-ce que l'annuée de Karf, je sais si elle est extrêmement en bon terme avec Manuée ou est-ce que c'est neutre? Tu sais que c'est plutôt neutre. En effet, vous avez, elles ont jamais eu à travailler ensemble, étant donné que les nuées présentent la justicienne, c'est vraiment des nuées, on va dire, qui ont des couilles, quoi. Parce que ça représente forcément un certain danger, alors qu'à Carf, il n'y a pas de combat entre nuées, on va dire. Il n'y a pas de risque à s'y être installé. En plus, ils sont en accord avec les anabaptistes, puisque visiblement, ils ont un contrat. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là, sinon ils auraient vite été dégagés. Même les spitaliers les laissent, ce qui est plutôt rare pour le souligner. Bon, ça va, moi je suis habitué avec Toric. Mais ok. Non mais ok, au moins c'est comme ça, je suis sûr, genre si jamais on se fait choper, que je fasse pas une grosse trahison à Manuet. Mais oui, non, tu risques pas de déclarer d'incident diplomatique. Ok, du coup ça au moins c'est réglé. Et du coup Toric, bah, tu vas devenir mon client. Ah, okay. Non mais moquage pas. C'est genre pour le plan, pas littéralement devenir mon client. T'inquiète pas, tu es toujours ma cliente. T'inquiète pas. Je ne consomme pas moquage, tu le sais quand même. Mais du coup, en fait, vu que tu es un hospitalier, c'est normal que tu demandes de faire ça dans un endroit un peu plus caché que. À l'abri des regards. Bien sûr, tu pourrais pas te permettre de rentrer dans une chambre avec une pique comme moi, voyons. Du coup, tu demandes l'arrière-salle. Et c'est comme ça qu'on pourra vérifier si l'armure, elle est portée ou est-ce qu'elle est toujours étendue à l'arrière-salle, gardée, etc. Et est-ce que tu penses qu'ils vont me laisser, moi, pouvoir utiliser l'arrière-salle parce que j'ai demandé ? Bah, en fait, t'es un hospitalier. En fait, je voulais là-dessus. Quitte à un peu élever ton grade... Je suis pas sûr qu'ils ont beaucoup de ressources. Hein, on s'entend assez mal. On ferait pas, je pense, la différence entre vraiment quelqu'un de gradé ou pas. Donc si tu te la joues vraiment quelqu'un de gradé et droit, je pense que on peut essayer de la jouer. Mais voilà, tu es quelqu'un d'important et c'est vraiment important diplomatiquement parlant qu'on te voit pas. Qu'on te voit pas être avec une pie, quoi. Ok. Écoutez, tu vois l'idée? Moi... Oui. Au pire, s'il refuse, il refuse. Mais là, plan qui est gentil, etc. Tu vois. Bah d'accord. Bah écoutez, allons-y, on va tenter. Cool. Et Mokov, je sens que ça appartient. Non mais de toute façon, on a dit genre si jamais, par exemple, si la tenue elle est portée par la Ah pardon, là j'ai vraiment un trou. La corneille, merci. Sa tenue est portée par la corneille. Bon, là, je laisse tomber tout pour là maintenant, parce que ça foutrait trop la merde de tuer une corneille maintenant pour voler une tenue. Voilà, je... C'est ça. Mais si elle est exposée et qu'elle n'est pas portée, le plan continue pour le moment. Allez, allons-y. Allons dans les sous-sols les plus profonds. Ok, par quelle entrée souhaitez-vous vous rendre dans les sous-sols? D'ailleurs, est-ce que tu leur partages le plan? Bien sûr, oui. Moi, ce que j'ai pas récupéré comme les trucs des égouts, vu qu'après, de toute façon, on va bosser là-dessus pour si on doit refaire un plan. Voilà, et puis comme ça, on saura comment courir. Je publie le plan pour tout le monde dans le chat général de Dead Genesis. Le plan des égouts de Carf, qui a été dessiné sur une feuille. Bah, clairement. Je vais aller par le passage le plus discret. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Toric et moi, on rentre pas par le même. Comme ça, tu vois, genre, on fait vraiment rencontre là-bas, genre, on a pris nos précautions, que les gens puissent pas se dire, oh tiens, il vient de rentrer au même endroit qu'une pie. On joue vraiment le jeu, tu vois, il faut vraiment qu'on scénarise ça. Et du coup, ouais, Toric rentrera à un endroit qui est plutôt bien caché, genre, tu sais, il prend pas l'entrée principale et moi je prends l'accès basique que prennent les gens d'habitude, quoi. Du coup, je sais pas. C'est le passage secret en dehors de la ville, il mène aux égouts, c'est ça? C'est ça, c'est visiblement, il y a un passage secret qui mène qui dirige des égouts au dehors de la ville. J'ai des informations dessus, genre, c'est il passage secret parce qu'il est un peu chaud ou c'est. T'as jamais allé repérage donc tu pourrais pas dire. Bah, j'aurais quand même évité de mettre Toric dans la merde. Parce que l'auberge, je passe par le passage secret. Bah, c'est l'idée, en fait. C'est bizarre que je rentre par là. Pour bon, quoi ça serait bizarre? Ben, en gros, si c'est un passage si, secret, attends, c'est que si ça doit être contacté... connu de... Mais oui, mais si tu m'as contacté pour être... pour que je sois tapis, et que tu m'as dit, voilà, je veux que ce soit discret, ben, je t'ai dit, écoute, tu vas me rejoindre dans les égouts, toi, tu passes par là, personne te verra. Ouais, et si on me chope... Je dis, oh, ben, on m'a dit de passer par là. Bah, bien sûr. Tu fais, voilà, il y a une pille, Abby, elle m'a dit de la rejoindre en passant par là. Alors, ce passage secret, il est connu de tous. Enfin, de tous les gens de ton clan. Je sais pas si tu me ou c'est une poignée de personnes qui connaissent ça. Quand on en a parlé, est-ce que on m'a donné à peu près ce genre d'informations ou c'est totalement flag? Non, c'est absolument rien. Ouais, bah je sais pas en fait. Ouais, donc en gros, il y a un risque quand même, parce que mettons, si jamais c'était connu de quelques personnes et que moi je dis on m'a dit de passer par là. Ouais, c'est pour ça que je me demandais aussi, tu vois, il y a deux accès, il y a le puits et l'auberge. Honnêtement, ce que je te propose pour que ça soit plus. Ça sera moins grillé, c'est que je rentre par l'accès normal, mais avec une espèce de cape, un machin, un truc comme si je cachais capuche, un manteau à capuche. Voilà, et genre quand j'arrive, je baisse la capuche et je leur explique aux gens, voilà, vous voyez bien, vu ma condition, que je suis pas censé être là normalement, et je viens retrouver une pie. Je cherche Abby, c'est elle que je dois avoir, voilà. Parce que là, ce serait plus logique que je fasse ça que d'arriver par un passage secret, que ça se trouve, il y a trois personnes qui le connaissent. Totalement, oui, en fait, c'est pas mal, en fait, comme plan. Mais, faisons donc ça. Bah écoute, je fais ça, alors. Je trouve, alors, je sais pas où je peux trouver, justement... Alors, en effet, il y a deux entrées. La première entrée se trouve au niveau du puits, et c'est elle qui est gardée par l'hospitalier. Ouais, ce qui est... Bon, on va la seconde, elle, se trouve dans l'arrière-salle de l'auberge. C'est là où vous avez notamment mangé avec les Jametan, Abby et Mokosh. Arrête de parler de choses mauvaises comme ça. Écoute, je vais passer par l'auberge, parce que je vais éviter quand même passer par l'hospitalier. Tout à fait. Hein, Donc je vais d'ailleurs jouer ensemble, donc en effet c'est plus malin de passer par l'auberge. Et donc on va dire que je trouve, enfin je le trouve où mon machin là pour m'habiller, me couvrir sur le marché, dans une étale de fringues tu peux trouver ça pour 15 lettres de change. Bah écoute, je vais en acheter une, hein, ma foi. C'est un très beau manteau. Ouais, bon, il va te servir simplement à cacher ton visage, ce qui il va réussir à remplir parfaitement sa mission, parce que c'est une capuche vraiment très très ample. Ouais. Alors tu m'as dit c'était combien, 15 15 lettres de change. De change. Ok. Bon, du coup j'enlève. Ça fait 591. Donc. Voilà, faut que je le note quand même quelque part. Manteau long. On peut le noter dans l'inventaire général si tout ça t'a. Oui, parce que à la limite ça peut me resservir un jour ou l'autre. Du coup, oui, donc je rentre dans l'auberge. Tu es déjà à l'intérieur, toi, Abby, ou avec Mokosh? Enfin, je veux pas, Mokosh, t'es où? Moi, sûrement que je me balade, genre en mode. En mode, je visite et je cherche quelque chose d'intéressant, quoi. S'il doit y en avoir plein, des gens comme ça là-dedans. Oui, ouais. C'est sûr. Il faut pas qu'on soit à full tous les trois dès le début, parce qu'en fait, on est déjà venus tous les trois ensemble. Donc, faudrait pas que l'image c'est d'un Baptiste, d'un hospitalier et d'une apocalyptique. C'est genre que le même groupe soit là. Enfin, s'il est fondé après, ça paraîtra moins chelou que genre. Tiens! Bah bon, en fait, je partais dans l'idée que vous étiez déjà à l'intérieur comme moi j'y rentre. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est l'idée. En gros, Mokosh, on fait genre, on se connaît pas, quoi. Mokosh, elle rentre de se balader. Moi, je suis en mode, là, j'attends mon client et toi, tu arrives et tu départs. Ouais. Bon, c'est pour ça que je vous demande, vous êtes où? Enfin, voilà, donc. Bah écoute, moi j'arrive. Je vais à l'accès de l'auberge là. J'ai mon fameux manteau avec ce qui cache un peu mon visage un peu. Hein. Ok, ouais. Tu te rends voilà dans les égouts. Ouais. Caché sous ton manteau. Et lorsque tu arrives dans cette auberge, tu t'assois au niveau de l'une des tables qui était vide. Donc là, tu te retrouves vraiment voilà dans ce qu'on appelle l'auberge. C'est là où il y a absolument tous les gens, tous les marchands. C'est là où tu peux boire, acheter de la brûlure. Et où toutes les pilles tournent un peu autour des clients. Ouais. Tu vois d'ailleurs le barman, donc le pied vert, qui vient, qui t'aborde et qui te propose ce que tu... Enfin, qui te demande ce que tu veux boire. Mais du coup, je voudrais de l'eau, de s'ils ont de l'eau de pure quoi, enfin, un verre d'eau pure. Putain, les Italiens, ils sont. Ouais, il faut avoir de l'eau de Javel aussi un peu pour purifier. Ouais, ok. Et là, justement, je fais rapprocher. Genre quand je lui demande de se rapprocher et, ouais. Et je lui dis en même temps au passage je viens chercher rendre visite à une pie. Est-ce que vous la connaissez? Elle s'appelle Abby. Ah Abby, ouais on la voit tout le temps. Écoute, elle est là quasiment tous les soirs, donc ça fait quelques jours qu'on l'a pas vue, mais avec un peu de chance elle devrait arriver dans la soirée. Est-ce que vous pouvez me prévenir quand elle est là ou alors lui dire de me retrouver à la table? Non, si vous voulez, on a d'autres pieds qui pourraient vous intéresser aussi. Non, c'est elle que je veux. Vous n'êtes pas la première personne à me dire ça. Ouais, non, mais... Voilà, donc les oreilles. Je lui fais comprendre d'être un peu discret et subrestif, enfin vite fait, hein, parce que je vais pas arriver à dire le mot. Je lui montre que je suis un hospitalier, mais juste lui, genre vite fait pour lui faire comprendre que bon, c'est vraiment. En vrai, je pense qu'il avait compris à l'eau pure. Voilà, ça c'est moi, ça, tu vois. Ok, à verre d'eau donc. Ouais. C'est un drapeau des États-Unis, enfin de l'Angleterre, je sais pas pourquoi derrière. Voilà, ouais. Ouais, puis d'ailleurs, ton masque à gaz, je le voyais plus. Les mecs, ils pensent vraiment que c'est vraiment une illustration historique. J'ai changé mon arme, t'as vu, elle a réduit. Je l'ai mis en mode petite. Et du coup, moi, quelques temps après, j'ai en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par en dessous. Genre, en fait, avec Moko, je suis parti, dans le sous-sol. Je l'ai laissé à l'endroit où il y a les établis, tout ça, genre de brûlure, etc. Je lui ai donné un peu d'aide de chambre en mode, vas-y, achète-en, tu seras plus crédible, quoi. Puis, de toute façon, on en a toujours besoin de la brûlure dans la vie. Et après, moi, du coup, je remonte pour arriver à l'entrée de l'auberge. Comme ça, c'est genre, je sors de l'arrière-salle. Et comme ça, normalement, le mec me match et tout marche. Ok. En effet, au moment où tu rentres à nouveau au niveau de l'auberge, tu vois le barman qui te fait signe de l'approcher. Je m'approche, bien entendu. Ouais, au moment où tu t'approches, il te montre Thoric de la tête. Il y a ce mec là-bas qui voulait te voir. Ah, oui. Il m'en avait parlé. Du coup, oui, bon... Je sais, genre, toi, moi, tu vas vraiment voir Thoric, tout ça. Je lis genre deux phrases en mode oh là là, quel heureux hasard. Genre, tu me touches la main et tout. Genre, Non, je veux pas te faire planter au milieu de la mission. Elle m'a touché. Non. Je sais que Thoric a des limites. Pas vraiment, je tiens. Mais du coup, ouais, genre, tu sais, deux, trois phrases et en mode, allez, vas-y, suis-moi. Et normalement, il me dira rien si je passe par la porte de l'arrière-salle. Donc, ZF total. Je suis une pie, donc je fais ce que je veux. Bah du coup, bah, moi je suis. Hein. Je sais pas, c'est elle qui gère, okay. Donc moi je suis. Donc tu essaies de te rendre au niveau de l'arrière-salle, donc dans la zone réservée, pas au niveau du bordel. Bah ce que je vais faire, c'est d'abord aller au niveau du bordel, hein, pour annoncer, voilà, j'ai un client un peu particulier, il a besoin de faire ça dans un endroit très très caché de la société, est-ce que vous pouvez m'ouvrir l'arrière-salle pour le traiter comme il faut. Donc il me voit bien sûr avec ma capuche, mon machin, genre un peu en mode... Exactement comme là sur la photo, un Assassin's Creed en puissance. Au moment où tu arrives au niveau de l'arrière-salle, t'aperçois un homme avec le crâne rasé et tu sais que c'est justement celui à qui tu pourrais éventuellement t'adresser puisqu'il fait partie de la nuée. Très bien. Il y a d'ailleurs le symbole des apocalyptiques tatoué sur le front. C'est trop classe. Ok. Bah, je m'approche de lui et... salutations, confrère. Salut. Dis-moi, j'ai un client un peu... Tu vois, genre, je fais juste un signe de la tête, tu vois, genre, en mode derrière moi, quoi. Et il aimerait faire ça, genre, vraiment très, très discrètement. Et je voulais savoir, du coup, si c'est possible de... enfin, vas-y. Pardon. Si c'était possible de... Bah, tout simplement d'aller à l'arrière-salle. Pour, tu sais, qu'il soit vraiment hors de toute vision. Tu vas me faire un jet de charisme. De toute façon, après, s'il dit non, je commence à jeter des arguments d'autorité. Un charisme, c'est quoi ? Expression. Ok. Enfin, oui, c'est soit expression, soit conducte, mais dans tous les cas, ça revient à 4D. Oui, pour moi, ça ne change rien. Et je suis plutôt content de mon jet, parce que j'ai fait 3 réussites, dont un déclencheur. Bon, j'ai fait un 1. J'ai eu très peur. Mais il ne compte pas. Bon, allez, vas-y. Tu vois, il t'accompagne jusqu'à la porte avec un trousseau de clés qui sort de sa poche. Par contre, je sais pas si vous serez plus tranquille là-bas qu'ici, hein. C'est pas une question vraiment de tranquillité, c'est juste une question de, tu sais, genre, que ce soit pas les gens qui le connaissent qui puissent le repérer. Ouais, c'est pas si ça peut vous amuser. Par contre, je veux 15%. Ça me va. Allez, file. Tu vois, il referme la porte derrière vous qui ferme à clé. Qui ferme à clé. Mais simplement, il t'a laissé toi ton... Un double pour que tu puisses sortir. Ok. Cette zone... Ah, dis-moi tout. ...est très différente de l'autre. Puisque, ici, tout est plus sale, étonnamment parlant, que de l'autre côté. Il y a aussi une odeur. Une odeur qui en peste, qui vous prend au nez. Et lorsque vous arrivez au niveau, on va dire que lorsque vous suivez le petit couloir... jonché de tout et n'importe quoi, vous voyez que vraiment cet endroit n'est absolument pas entretenu. Vous arrivez au niveau de ce qu'on va dire la zone principale, qui est composée de tout un tas de lits et de gros chiens qui sont attachés au milieu de la salle. Dès que vous apercevez, ils se mettent à grogner. Moi j'essaie de genre les calmer en mode... c'est je siffle en client devant en mode... Ta gueule. Juste. Eh bien tu vas pouvoir me faire un jet de... Alors... Il se détache, il saute à ta gorge, j'essaie de te tuer. Et il y arrive. Et il y arrive. Merci Ami d'avoir joué. Je sais qu'il y a une compétence spéciale de jugement qui s'applique parfaitement à ça. Psyché domination. Non, éternel justement pour les s'occuper des animaux. Oui, il me semble que j'avais entendu. J'avais vu c'est ça, quelque chose comme équitation. Ah, pas intellect. Équitation. Attends. Pas intellect. C'est pas taming. C'est pas taming. Instinct taming. Attends. C'est dressage. Oui, si, c'est dressage. Oui, exactement. Instinct dressage. Bon, allez, j'ai 3D. Il y a peu de chances que celui-là j'y arrive, mais. Oh! 3 réussites dans un déclencheur. J'ai rien dit. La chance est de mon côté. J'ai une bonne réussite. Tu vois, toi, les chiens, t'en as déjà vu dans ta vie. Tu sais un petit peu bien comment sûr. Ça se passe. Tu lui gueules dessus un coup. Bon, il se calme. Par contre, t'as réveillé un mec sûr. Qui était dans l'un des lits. Pardon ? Wow, wow, wow, wow, wow. Vous êtes qui, là ? Une pique qui est un client particulier. Je lui montre le trousseau de clés, enfin, genre, tu sais, le double qu'il m'a donné, en mode... tu vois, genre, je suis pas rentré là. C'est legit, quoi. On a le droit d'y être. C'est ça. On vous a laissé passer, normalement, c'est pas autorisé quand vous êtes pas de la nuée. Bon, on peut donner des petits coups de pouce de temps en temps. Bon. Si Vice vous a laissé passer, alors... Ok, c'est bon, il a abandonné, je peux continuer mon chemin. Le truc, c'est que tu remarques que de l'autre côté, la porte visiblement est également fermée. Et que cette fois-ci, tu n'as pas les clés. Et lui, il te regarde comme s'il attendait quelque chose. Prenez votre temps, surtout. Oui, merci, c'est gentil. Allez, faites pas vos timides. On est en train. Attends, ça veut dire qu'on va devoir lui faire devant lui. Non, mais alors là, ça va pas le faire. Par contre, on pourra pas avoir de voyeur pour ce coup-là, hein, parce que mon client, c'est un. Je me rapproche. Un hospitalier très haut gradé. Et ça peut poser des problèmes. Voilà, maintenant je suis au courant. Oui, non, mais tu sais pas qui c'est. Je saurais pas qui c'est une fois qu'il sera à poil non plus. Hein. Ils se ressemblent tous, tu sais. J'essaie de me cacher des trucs peut-être. Parce que t'as déjà vu un hospitalier à poil, toi ? Voilà. C'est pas le moment de faire des gaffes. Non, mais... Alors déjà, ils se ressemblent pas tous. J'en ai déjà eu plusieurs clients, en vrai, ils ont des différences. Non, et puis... Ouais, puis mais déjà... je te demande pas de partir, mais juste, genre, comprends son... Tu veux que je... Je m'en fous, genre tu te fous dans un coin, tu fais pas chier, mais genre juste... Non mais attends, tu te prends pour qui toi? Tu fais même pas partie de la nuée? Tu viens ici déjà, je sais même pas comment t'as eu l'autorisation. Et tu me demandes de me mettre dans un coin? Ouais. C'est l'idée. Crois-moi, j'essaie juste de faire plaisir aux clients. Fais-moi un jeu de négociation, mais ça va pas être évident. Je vais défendre avec sa défense mentale. Eh bien, je fais des bons jets, parce que j'ai fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Et j'ai une chance incroyable sur cette session, je crois que Dieu veut que je vole cette tenue. Je suis pas croyant, mais ça y est, là, je viens de le devenir. Eh bien, moi, j'ai perdu mes dés. Où est-ce que j'ai bien pu les poser? Putain, ils étaient dans ma main il y a 2 secondes. C'est un signe, ça veut dire que c'est un échec. Oui, ça veut dire que tu n'as pas besoin de jeter les dés, s'il te plaît. Très bien, il y a un éclair qui s'abat sur toi. Non, mais Dieu est de mon côté pour l'instant, niveau chance. Genre, je fais des 1 au bon moment et je fais des 6 au bon moment. Et par contre, j'ai vraiment putain de paumé mes dés. Bon, bah, c'est pas grave. Ça va se finir au générateur en ligne au pire. Après, je peux le faire pour toi, mais vu ma chance. Sinon, vas-y, ouais. Jette-moi 7 dés. Oh, que des 1! 7 dés? Oui. Oh putain. 5, 6. Non, bah, j'ai perdu là. Effectivement, il y a déjà 2 réussites et un déclencheur. Ah! Alors. Eh bien, 4 réussites et 1 déclencheur. Donc on a égalité avec un déclencheur supplémentaire chez moi. Ok, en cas d'égalité, normalement c'est la personne qui a le plus de points ou la personne qui entreprend l'action, etc. Mais je pars du principe que vu que t'as fait un déclencheur de plus, c'était ça rend l'égalité. Putain, mais 7 dés, mais quel enculé. Tu vois, tu le regardes pendant de longs instants. En même temps, répondre juste ouais, c'était pas super ouf comme idée. Putain, tu fais chier. Puis il va dans le coin. Il se met dans un lit du côté, on va dire, la tête face au mur. Oh fuck, parfait. Ouais, il est toujours dans la même pièce que nous en même temps. Et, bah, les couilles. Oui, non, il allait pas non plus se barrer. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je lui ai dit reste, parce que je sais très bien si je lui dis casse-toi, c'est bon, on est grillé. Hein, c'était beaucoup trop chelou. Ce qui veut dire que, bon, je vais pas le faire en RP, mais quand il y aura le dos tourné, genre au bout de quelques minutes, pendant que, je sais pas, on est en train de fouiller la salle et que oui. J'essaie de voir pour ça, bah, je simulerai des bruits. De... T'inquiète pas, je te force pas à faire ça au RP. C'est gentil. Non, mais c'est bien logique. Genre, s'il y a pas de bruit, il va se retourner au bout d'une minute, tu vois, il va fermer. Pourquoi vous crochetez la porte? Ouais. Après, est-ce que le bruit qu'on pourrait faire au moment où on va ouvrir la porte, ça va être un peu. Ah, mais j'ai pas dit qu'on va l'ouvrir là tout de suite. D'abord, on fait de la du repérage, genre de truc, ouais. Doucement. Dans son... D'accord. Alors, vous faites toutes les deux tous les deux du repérage. Moi, attention, parce que je veux quand même regarder ma discrétion, hein, parce que si c'est pour que je fasse du boucan encore plus que... Hein, mais je pense que t'es plus à même de chercher toi, t'es plus... Bah, l'idée que j'aimerais faire, c'est que genre, Touric, toi tu surveilles l'autre, ouais. Et comme ça, si à un moment il se retourne au mauvais moment, genre, tu sais, il veut quand même essayer de faire le voyant ou quoi, t'as comme mission de lui défoncer la gueule. Ouais, faut pas que je me rapproche de trop. Je reste dans la oui, même bien zone sûr. En fait. Tu peux pas être juste derrière lui parce que sinon c'est pas du tout. Regarde pas, on est juste derrière et là, toi. Et le gag. Eh, mais vous êtes des gros pervers. Vous. Ah oui. Moi je me dis. Il y a un mec qui joue juste à côté de lui, l'autre qui joue à l'autre bout de la pièce. On a des jeux très spéciaux. Ouais. Nous c'est du tantra. On est dans le tantra, dans le tantrisme. Et surtout le son qui se déplace, tu vois. Non mais, c'est du coup, Alan, tu vois, tu te mets genre mi-pièce et genre tu fais un dash avant. Parce que, en fait, s'il se retourne, il voit que c'est des conneries et là on pourra pas baratiner. Hein. Je veux dire, si on n'est pas en train de le faire, on n'est pas en train de le faire. On pourra pas faire oui, mais non. Du coup, là, il faudra que tu lui défonces la gueule pour comme ça il fait pas de bruit, tu l'assommes. Et moi, pendant ce temps-là, je vais effectivement genre. Plus par vue que par vraiment bouger. Par exemple, j'imagine bien que la tenue, elle est pas derrière un oreiller, tu vois. Donc, c'est pas ce genre de repérage, mais voilà, je veux vérifier les environnements qu'il y a dans cette salle pour voir en gros les possibilités que j'ai, etc. Tout en bougeant le moins possible pour éviter que ça soit trop louche et en simulant un bruit de coït, quoi. Très bien. D'ailleurs, je vais vous demander de faire un jet d'instinct empathie, tous les deux. Vous devenez empathique de lui, vous avez pitié. Voilà. Oh! J'ai eu très peur. J'ai chuté de 2. Oh, ah, bah, moi, ça marche pas. J'ai une réussite et un échec. Enfin, un 4 et un 1. Très bien. Non, mais en vrai, ça m'a fait super peur. J'ai fait 2-1. J'ai fait oh putain, c'est la mort. Et puis je regarde, j'ai fait 2-6 à côté. Donc, eh bien, ça marche parce que un de plus et c'est un échec critique parce qu'il y avait plus de 1 que de réussite. Non, mais mec, donc, dans tous les cas, c'est réussi. C'est même réussi que 2 déclencheurs. Donc, en fait, les 1 n'ont pas d'impact, même si ça fait un petit peu peur en effet. Toi, Abby, tu l'as vu tout de suite, le mec est complètement bourré. Oh, bourré ou défoncé, shooté à la brûlure. Il est. Même si. Il reste dans un état, on va dire... Conscient, éveillé. Voilà, conscient. Tu l'as senti en discutant avec lui. Il faisait l'effort de autant que possible, on va dire, de prendre sur lui pour essayer d'avoir l'air un peu plus menaçant, mais... il est complètement bourré. Ok, donc de toute façon, genre, si la voix se déplace de quelques mètres, c'est pas le truc qu'il est capable de repérer, quoi. Sans doute que non. Et s'il faut se battre, il n'aura pas le réflexe de... Sauf s'il y a pris une brûlure qui booste la rapidité, mais wow, vu qu'il y a l'air... On pourra l'assommer rapido, quoi. Ouais. Donc, on a l'air quand même pas mal parti. Donc, effectivement, du coup, le plan est maintenu. Touric, tu te mets en garde, et moi, je simule en... Ça marche. En avance. Très bien. Eh bien, faites-moi tous les deux un jet de perception. D'accord, chef. Et donc, dans la compétence... Instinct. Instinct. Je sais, c'est mes spécialités. Ouf, j'ai eu très peur. Ok, ça passe. Putain, MMD, ils font faire des. Alors, j'ai 3 réussites, 2 déclencheurs. Oh, il a mieux réussi que moi, l'enfoiré. Ok, toi, Torik, vous scrutez un petit peu la salle. Vous voyez qu'elle contient plusieurs espèces de petites étagères dans lesquelles ils doivent ranger des affaires. Plusieurs stocks, notamment avec des barils qui contiennent sans doute de l'alcool. La pièce est également remplie de petits coffres, vous savez pas trop ce qu'ils contiennent, mais absolument rien qui laisserait la place de ranger une armure. Ok, donc dans tous les cas, elle est pas là. Moi, ce que j'aimerais faire, du coup, voyant ça, c'est que normalement, on s'était mis au fond. Enfin, moi, je me suis mis plutôt au fond de la salle pour explorer, parce que voilà, il y a la porte. Et j'aimerais, du coup, regarder à travers la serrure. Je sais que c'est une vision vachement réduite, mais à quoi ressemble la pièce qui est derrière? Est-ce qu'elle peut être intéressante, etc. Ok, la pièce qui est derrière, visiblement, donc ça donne. Alors, la porte, c'est une espèce de grille, donc on peut voir à travers. Ah, il y a des gens derrière. Derrière, tu ne vois personne. Mais tu vois comme une espèce de... Peut-être de lueur au loin, derrière. Tu sais pas trop à quoi c'est dû. Ok, non, ça serait con qu'il y aurait des gens et qu'ils nous voient, c'est debout. Par contre, la déco a l'air vachement... comment dire... Vachement, en fait, plus élevée que la pièce où vous vous trouvez actuellement. Je regrette l'époque des téléphones où j'aurais pu envie un SMS, ça me coche. Le seul problème, c'est que j'irais bien explorer. Oui. Mais si la tenue est genre pas du tout là, genre c'est la truc qui la porte. D'ailleurs, de ce que tu vois, de par tes connaissances, ça ressemble clairement à ce qui pourrait être la chambre de la corneille. Bon, je parle en signe, pas de langage des signes, mais tu vois, genre en signe, genre c'est un peu compréhensible, genre avec les mains. Parce genre je peux pas parler genre en signe. GIGN, c'est genre. C'est ça, ouais. Je peux pas, genre, faire. Oh, regarde, une porte. Oh là là. Mais voilà, tu vois, genre, je monte tout ça et j'essaie de lui faire comprendre l'idée que il va peut-être falloir aller explorer. Ok. D'accord. Et tout ça, je mets dans le contexte, je vois Abby qui me fait les signes de main tout en simulant un acte sexuel. Ça fait quand même bizarre, je faisais genre, regarde, ouais. Je la regarde toute, genre, ok, Mais du coup, tu vois que je te fais aussi signe, je te montre la personne du doigt et je te fais comprendre, assomme-le. D'accord, bah je du coup je me dirige à pas de loup. Tu passes juste à côté des chiens qui se mettent à grogner légèrement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les chiens, parce que si j'attaque le gars, si je fais office de violence sur un des qui connaissent, il est fort probable que les chiens. Je sais pas, mais je pense que ça peut être jouable, genre de l'assommer, genre, tu sais, contre le mur, sans faire trop de violence physique pour que ça... Ah bah après, tu ça va demander de la force, enfin, une certaine force, un coup fort, quoi. T'es pas fort, toi ? En force, ouais, si, j'ai... C'est quoi, c'est force qu'il faudra mettre, c'est ça ? En idée. Je pense que... Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux étrangler quelqu'un... Ah non, je veux pas l'étrangler, moi. Je veux l'assommer, en fait. Mais genre, en mode... En genre, s'il a la tête près du mur, c'est... Boum, c'est genre, pour moi, c'est plus de la lutte. Donc, mêlée. Non, c'est brawl. Lutte, c'est brawl. Ouais, exactement. Ah, enfin, je sais pas. C'est pas mon fort, ça. Parce que... ouais, moi non plus. Mais... Attends. Ça va être le truc là, c'est qu'il faut du coup faut l'attaquer sans faire trop de bruit, enfin sans être trop violent visuellement pour les chiens, pour leur faire comprendre. C'est ça le truc. Parce qu'après ça peut faire venir l'autre qui est dehors, en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi les chiens ils gueulent. Je peux aller chercher Mokosh. Hein? Mais ça va être trop grillé. Tu viens pour faire un truc discret avec moi et tu vas chercher Mokosh qui est même pas. Qui est même pas pi ou quoi que ce soit. Tu fais rentrer la bâtisse dedans. Oh, ça va être... C'est chaud. Mais écoute, mon client a des envies très particulières et je dois... Ouais, non, mais... Ça devient compliqué, là. Non, mais il faut... Il faut une solution. C'est vrai que mon coche aurait été utile pour assommer quelqu'un juste avec de la force. Elle porte l'arme de Goethe. Du coup... Étrangler, c'est quoi ? Est-ce que tu as sur toi la ration de viande rouge ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu files au même moment où moi je vais frapper ? Oui, genre, oui. C'est la meilleure. De balancer de la viande rouge pour que les chiens se concentrent là-dessus et que moi je fasse ping avec mon. Ça m'a l'air pas mal. Et par contre, question de jeu, étrangler, du coup, c'est quoi ? Ça, je pense que pour moi, c'est de la lutte également. Ok, donc les deux reviennent au même. Du coup, si je prends mon dilacérateur et que je l'assomme avec, ce sera force, là. C'est pas lutte. Comment si tu veux l'assommer avec ton dilacérateur ? Sachant que d'un côté, il y a ton mollusque dans son récipient en verre, et de l'autre côté, il y a une lame. Je peux très bien taper avec le manche. Enfin, il y a quand même un manche au milieu. Je suis pas obligé de taper avec le bout. Je peux taper avec le. En sachant que le mec il est bourré et qu'il est à moitié endormi, je pense que je peux quand même prendre mon temps de bien vers ping. Oui, mais du coup tu t'apprends, on va dire, avec le plat. Ouais, c'est ça. Point de vue. Avec le manche en fait, pas avec les extrémités, mais plus avec le manche. Donc moi je vais prendre une extrémité. Et... Ouais, ok, je pense que je vois à peu près, ouais. Ah. Oui, ça doit être jouable. Après, en effet, il faudra mettre suffisamment de force. Alors, s'il y a quelque chose dans la pièce qui puisse faire office de je pense qu'il y a plein de choses dans la pièce que je pourrais prendre et l'assommer avec. Dans ce cas-là, fais-moi un petit jet de perception et ensuite on ira voir Mokosh parce que son côté aussi il va se passer quelque chose. Ah merde. Ok, donc. Bon, vas-y, là, c'est le moment. Ouais, là, c'est le moment où ça part en couille. Là, j'ai fait une réussite et un. Ok. Bah tu remarques, à part des meubles, des chaises, tu vois, en fait c'est vraiment, il y a un lit, une table de nuit, une chaise. Et c'est un petit peu, ainsi qu'un petit coffre. Et c'est un peu une espèce de motif qui se répète tout le long de la pièce, sauf à un endroit où il manque une chaise, étonnamment. Mais à part ça, tu vois pas grand chose quoi, vous avez aussi les barils de l'autre côté. Je vais prendre le manche de mon dilacérateur. J'ai pas envie de péter une chaise, ça pourrait déjà faire du bruit. Le manche, ce sera un bruit sourd. À la limite, si tu pètes une chaise, moi je hurle un peu plus fort et on dira qu'on a des tripes vachement chelous, t'inquiète. Hein. On est plus à ça près. Comme tu veux. Après, j'aurais pu se faire quand même. Fais comme tu veux. Enfin, en gros, prends là où tu te sens plus à l'aise. Moi, je m'adapte pour que ça marche. T'inquiète. Bah, après, voilà. Moi, mon dilacérateur, c'est du métal. Donc, c'est. Et en même temps, j'ai le temps de le faire. Le gars, il dort. Pas bouger. Donc, je prends le plat de mon dilacérateur. Ça va pas le tuer. Hein. Pendant ce temps-là, Mokosh, que fais-tu ? Eh bien, je pense que je m'étais placé de manière à pas être loin de là où ils se sont enfermés déjà. Mm-hmm. Enfin, au maximum où je pouvais être sans avoir l'air louche. Et j'attends, écoute, on sait jamais si ça dérape ou un truc comme ça. Ok, parce que de ton côté, dans l'auberge, l'ambiance donc qui était plutôt bonne vient d'un coup de redescendre. Il y a 4 apocalyptiques qui viennent de rentrer dans la pièce, dont l'un d'entre eux, qui a le crâne rasé d'un côté et les cheveux qui pendent un peu de l'autre, a l'air complètement furax. On appelle ça un punk. Il s'approche du barman et il donne un gros coup de poing sur la table. Il a pas l'air d'être en colère contre lui, mais il commence à lui parler. Ma gauche. Putain, c'est stressant. Si possible, j'essaye de tendre l'oreille. Ouais. Mais disons que c'est pas ma priorité principale. Ok, fais-moi un petit jet de perception. Ok, perception. Ok. Euh, Il y a trop de dés dans ce jeu. Eh bien, j'ai 3 réussites dans 2 déclencheurs. Ok. T'arrives à comprendre exactement ce qu'ils se disent. Oh. Le mec, avec le crâne rasé d'un côté, il est là. Bon, écoute, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Je pense que c'est genre, putain, mais tu sais pas où elle est. T'as l'autre qui lui fait, mais non, mais moi je l'ai pas vu non plus, mais moi je croyais qu'elle était... Enfin, je fais pas gaffe à tout ce qui se passe. T'entends même quelques phrases en mode... Putain, elle a changé depuis qu'elle est revenue, elle a changé. Bon, je vais aller voir à l'intérieur. Elle était dans son bureau. J'en étais sûr. Et le mec commence à se diriger en direction de la porte. De la porte. Oui, de la porte. La porte qui mène à la zone normalement réservée. Oh. Accompagné de ses 3 lascars. Donc, c'est le moment, je te l'avais dit. Attends, ouais, mais j'ai rien pour les arrêter, moi. Mokosh, ils avancent. Et moi, je suis en mode, j'ai le bras levé avec le Non, mais c'est tellement ça, là, t'as la scène cinématographique, genre, moi, je suis en train de commencer à regarder la scène, donner la nourriture au chien, là. Toi, tu commences à lever le bras et t'as le mec qui avance vers la porte, la Mokosh, et le moment où tu sauves tout, on est mort. Hein. Question MJ, est-ce que dans la pièce où on est, on a la possibilité, pour l'instant, vu qu'on fait normalement pas de bruit, on est bien d'accord, hein, mis à part les pseudo-simulations d'actes sexuels, une clé qui tournerait dans une serrure? Non, oui, malheureusement, vous n'êtes pas capable d'entendre ça à votre distance. On n'est pas là, d'accord. Ça, c'est juste pour savoir. Et une porte qui s'ouvre? Ah oui, il y a le couloir avant, c'est pour ça. Ouais. Exactement. Ouais, donc on peut pas l'entendre. Ouais. Et puis, de base, il y a quand même une espèce de mini brouhaha, même si ça s'est calmé, qui provient de l'auberge. Ouais, mais ouais. Pour le coup, vous y prêtez pas attention. Ouais, donc en gros, là, ça tout dépend de toi, Mokosh, de ce que tu vas faire. On va s'en sortir ou pas. Je peux pas l'arrêter, moi, j'ai rien, je connais pas son nom de type. Ouais. Moi, je t'aurais bien proposé quelque chose, mais je suis pas censé te proposer quoi que ce soit. Bon, ouais, du coup, je vais juste dire un peu à votre voix. Bon, bah, moi, je m'en vais. Quoi? Et je vais m'éloigner. Mais pire sauveur au monde, quoi. Ce mec, il aime pas son groupe. Bah, au moment où tu t'en vas, t'as un des mecs qui te regarde bizarrement, et puis l'autre qui sort une clé de sa poche et qui commence à déverrouiller la porte. Pendant ce temps-là, Torig, toi, t'étais sur le point d'abattre ta lame sur le visage. Pas la lame. Oui, le manche de mon dilacérateur, oui. Très bien, eh bien, fais-moi un jet de force. Pour l'instant, de votre côté, rien ne se passe. La porte n'a pas encore été. Bon, après, on peut se dire de toute manière que le gars étant bourré, je pense qu'il empeste l'alcool. Vu que je l'ai pas tué. Il peut juste paraître genre défoncé tellement il a picolé, tu vois. Tout à fait. Voilà. Du coup, c'est force, hein, donc c'est 5-5. Ou alors j'ai 3 réussites. Eh bien, sa défense passive était de 1. Donc okay. Tu lui as cédé un violent coup de dilacérateur sur la gueule. Et juste pour voir combien de dégâts est-ce que tu fais. Putain, je veux pas le tuer, on est d'accord, hein, je veux pas non plus. Oui, non, c'est juste pour savoir. En théorie, même si normalement là ce serait un coup, on va dire, réel, donc destiné à blesser réellement, tu ferais 4 plus force divisé par 3. Tu as donc 5 en force divisé par 3, rendu au supérieur 2, 6, ok, ouais. C'est à peu près pour jauger combien de dégâts tu ferais. Donc étant donné que tu feras pas avec la lame, tu fais sans doute un joli 2-3 dégâts. Mais ça, dans tous les cas, on va pas le prendre en compte. Ton objectif était de l'assommer, tu l'as frappé en plein visage. Il est KO. Le visage du mec est propulsé contre le mur. T'as du sang qui commence à couler le long de ses cheveux. Et à ce moment-là, vous entendez la porte qui commence à... Après, j'essaie quand même, dans le même temps, de camoufler un peu le sang. Au moment où tu te retournes, tu vois 4 silhouettes... au bout du couloir qui se dirige dans votre direction. Ce que je fais... Vous avez une dizaine de secondes avant qu'il soit là. Bien sûr, et bah ce que je fais, c'est que bah à poil quoi. Enfin genre en gros le but c'est que genre quand ils arrivent, j'ai l'air d'être en train de me rhabiller. Ok, très bien. Donc en gros je dérage tout et je commence à remettre le pantalon. Ok. 10 secondes c'est super. Je pars du principe que tu les as entreaperçus depuis le couloir, donc t'as eu le temps on va dire, tu sais, toi te mettre dans un angle mort par rapport à eux. Ouais. Oui, et que moi, je sois pas au plein milieu, genre devant les chiens. Et moi je suis où par rapport à ça? Et... Bah, alors étant donné qu'ils s'étaient mis dans un coin contre le mur, si tu regardes la carte, tu peux voir que vous êtes absolument pas dans l'angle de vision donné par le couloir. D'accord. Donc, j'imagine qu'Abby, tu préviens Torik. Bien sûr, oui. Hein. Je t'ai pas dit, mais c'est, enfin, c'est évident, je vais pas faire rôle. Torik, au moment où tu te retournes après avoir asséné ton cou, tu vois Abby qui se colle contre le mur et qui commence à se foutre complètement nu. Et qui te prévient, du coup. Donc, bah, du coup, moi, je me rapproche d'elle. En même temps, juste avant, j'essaie quand même de cacher un peu le sang du gars pour pas trop que... Ok, tu retournes son visage de l'autre côté, du coup. Oui, voilà. Voilà, c'est... Et cache ton putain de bâton, c'est tout. Genre, cache juste ça, moi je m'occupe du reste. Je m'occupe du premier contact. Tu peux en effet passer le bâton sous le lit. Sous l'un des lits, c'est très facile de le cacher, il sera invisible. Ouais, bah je fais ça, et donc j'imagine que les chiens, ils sont en train de bouffer la viande que tu as balancée. Oui, oui. Bah en gros, c'est l'idée, quoi. Genre, en gros, je les vois arriver, et voilà, moi je... Mais la viande, de toute façon, les chiens étaient en train de la manger, donc j'ai pas besoin de la jeter. Enfin, genre, c'est des chiens. Oui, non, mais genre, là, pendant ce temps-là, eux, les chiens, ils bouffent, quoi. Oui, donc, oui. J'imagine que quand les mecs arrivent, déjà, ils voient des chiens qui sont calmes et qui mangent, donc il n'y a pas de. Ça. Tu vois. Au moment où les mecs arrivent, tu vois, Abby, que toi, forcément, ils te regardent un peu bizarrement. Notamment le mec rasé d'un côté. Toi, vous savez pas trop qui sont, mais vous voyez que lui, il a un air un peu mauvais. Il vous regarde bizarrement, il vous jauge du regard. Notamment, toi, Abby, tu vois, qui te mate de manière un peu intensive, c'est assez gênant comme situation. Vous êtes qui, vous? Une simple pie qui fait son boulot. Vous vous autorisez à venir ici? Je suis en mode, je fouille les poches, mon pantalon, c'est normal, je viens de finir de mettre mon pantalon, quoi. Oui, oui, t'es en train de te rhabiller. Je sors la clé, à votre avis. Ouais, ok, bon. Vous auriez pas vu la patronne, par hasard? Pas du tout, non? Pourquoi? J'imagine que c'est pas à Mike qu'il faut demander. Tu vois, il parle à haute voix, volontairement, en direction du mec dans... Ah. Ouais, bon, ouais, comme d'habitude, quoi. Ouais, tellement, hein, genre... Bon allez, tu vois qu'il commence à se diriger en direction de la porte en fer, qui était fermée tout à l'heure. Et du coup il se passe quoi avec, genre je fais exprès genre, tu sais, dans ta conversation pour essayer, genre voyant qu'il va vers la porte, c'est le moment quoi. Ouais. Ou tu sais, j'essaie de parler en mode, mais du coup il se passe quoi, pourquoi il y a un problème avec... Je sais pas, on a plus de nouvelles, tu vois, il commence, tu sais, il met ses mains comme un prisonnier qui tiendrait ses barreaux, et il essaie de tourner sa tête dans tous les angles pour essayer de voir de l'autre côté. Rachel! Putain, t'es là? Putain, y'a pas les clés, ce con. Y'a aucune réponse. De l'autre côté, y'a les trois gus, eux, qui sont restés vers toi, Torik. Ouais. Et donc, tu vois, ils jugent pas mal. Tu vois, y'a un qui... Ah, mais moi, je reste impassible, voilà. Hein, je suis censé quand même... Enfin, je suis censé être discret, dans le sens où je veux pas qu'on me calcule, donc... Je m'en fous, je les laisse me mater, mais je suis toujours okay, avec donc ma carrière. Toi, t'es là, t'es droit, t'es fier, presque comme si tu montais la garde devant un centre. De... un puis centre je suis hospitalier quand même. Oh, je suis, hein. C'est ça, tu représentes toute l'intégrité. Est-ce qu'ils ont remarqué que j'étais hospitalier, mais qui s'était caché derrière un truc? Comment ça? Est-ce que eux, ils m'ont... tu dis qu'ils sont en train de me regarder. Donc, est-ce qu'ils ont remarqué que en dessous du manteau qui me couvre, il y a un hospitalier? Alors. Ah, oui, pour le coup, oui. Voilà. J'imagine que t'avais. À moins. Étant donné que tu m'as pas précisé, oui, que t'avais gardé la capuche, enfin, je suis quand même parti du principe que quand vous étiez tous les deux. Et puis là, je pense que niveau ta tenue, même ça se voit, le manteau est pas refermé, vous avez été un peu dans la précipitation. Donc ils peuvent comprendre que c'est quand même quelque chose de discret. J'essaye plus ou moins, exactement. Voilà. Oui, mais oui, en effet, dans tous les cas, t'as ce côté-là. Et c'est même d'ailleurs peut-être ça qui vous sauve, entre guillemets, parce que ça induit en effet que vous ayez eu l'envie d'être caché. Voilà. Donc je parle pas, je les laisse me regarder, je veux pas avoir de discussion avec eux. Bah du coup, j'essaie genre essayer de lui impliquer discrètement, genre mec, si jamais genre, enfin, genre je suis en mode, mais je sais pas, genre il y a peut-être un, problème, elle est peut-être là-dedans, genre si ça fait toujours qu'elle donne pas de nouvelles. Oh, me dites pas qu'elle s'est barrée avec l'argent. Ah ça. Oh, me dites pas qu'elle s'est barrée avec tout. Oh putain, je le sens gros comme une maison. Vous avez pas moyen d'ouvrir la porte ? Eh ben on va tout péter. Bah parfait. Quelqu'un aurait des connaissances en crochetage au pire? Ouais, j'ai déjà fait ça pour quelques clients, si tu veux. Enfin genre, je t'assure rien, hein. Je suis pas... Vas-y, tente toujours. Putain. Et tu vois, à ce moment-là, il donne un gros coup de pied dans le mur. Parfait. Non mais c'est génial, il nous donne des excuses pour y aller. C'est quoi, crochetage du coup? C'est dextérité. Dextérité. Oh oui, parfait, je lance 6 dés. Avec une difficulté de 2. Oh là là, ok. Enfin, de 3, excuse-moi. De 3 ? Pas n'importe quel, oui, n'importe pas, ce n'est pas n'importe quelle serrure. Bah du coup, ça passe, mais genre juste parce que j'ai fait 3 et aucun déclencheur. Ok, ouais, mais ça passe. Donc tu vas, toi, tu vas un petit peu à l'ancienne, tu commences... D'ailleurs, oui, tu as des outils de crochetage quand même, il me semble. C'est bien oui, ça, non ? Oui, mais j'ai toujours okay. eu mes épingles à cheveux, mes crochets. Oui, c'est ça. Ok, donc de souvenirs... Bon, dans tous les cas, ça passe, mais je sais qu'il y a certains outils qui donnent des bonus justement pour le crochetage. Alors que là, ça te permet juste, normalement, de faire l'action. Parce que forcément, tu peux pas crocher une porte si t'as rien pour... Et du coup, voilà, donc, t'arrives à débloquer la serrure. En effet, elle était fermée à clé. Oh, putain. Ok. Bah, du coup, je me redresse en mode, tiens, fais ce que t'as à faire. J'essaie de rester neutre tout en... Ok, j'ai encore avoir besoin de toi par contre. Bah parfait, écoute, je viens. Tu vois, il fait signe déjà à ses gars de venir. Et toi, Toric, également, tu remarques que visiblement, ils t'ont pas trop capté. Donc en soi, tu peux venir avec eux. Enfin... Je suis priori, en retrait quand ça même. Ça peut pas trop te poser problème, c'est ça, vu que t'étais avec Abby, tu vois. Mais ouais, mais je reste quand même en retrait d'eux, histoire ça, de pas me mêler. Je suis pas censé me mêler dans leurs affaires normalement, tu vois. Oui, par contre, en effet, c'est sûr. Tu vois, Toric, en rentrant au niveau chemin de ce petit couloir, ce dernier se sépare en deux. Un à droite, enfin, donc un côté droit et un côté gauche. Le côté gauche, de loin, tu vois des espèces de tapisseries, des tableaux accrochés au mur. C'est sans doute une espèce de chambre à coucher. Mais du côté droit, là où vous vous rendez en premier, ce sont des tas de coffres. Et notamment un gros coffre principal. Ah. Tu penses que tu pourrais m'ouvrir ça ? Écoute, je suis pas la meilleure, mais je peux tenter. Hein. De toute façon, ça coûte rien. Très bien. Mais refais-moi un G avec une difficulté cette fois-ci de 4. Oh, ouf, tu commences à faire mal. Ah bah, encore une fois, là, ouais, on commence à arriver dans des G difficiles. Sur 3 dés, là, j'ai déjà 2 réussites de déclencheur. Allez, les 3 autres dés. Oui ! Oui, c'est bon, 4 réussites de déclencheur. Tu remarques que c'est certainement la serrure la plus difficile que t'aies jamais accrochée. Ah ouais, non, mais là, je suis... Tu peux être une épingle, 2 épingles, 3 épingles, t'en mets une quatrième, et cette fois-ci, ça marche. Tu commences, ouais, en effet, voilà, en rentrant tes outils, tu... T'essaies de choper le mécanisme, mais il est super dur, tu vois, il est vraiment très résistant. Alors d'habitude, voilà, c'est une serrure qui fait pour pas être crochetée. Alors que d'habitude, elles sont là, mais en soi, enfin voilà quoi. Bien sûr. Ça pour faire joli qu'autre chose. Et au final, t'arrives à la débloquer. Tu commences à glisser tes doigts au niveau de du couvercle. Et au moment où tu relèves ce dernier, le coffre s'ouvre complètement vide. Oui ? J'en sais rien. Attends, le son. Okay. Et là, c'est l'effroi, la stupeur. Bah, moi, je dis pas grand chose parce que pour l'instant, c'est pas mon objectif ce qu'il y a ici. Donc, genre, je fais une tête un peu genre triste, mais je le laisse réagir lui. Tu vois, genre. C'est pas mes oignons à la base. Lui, il chope le couvercle, il le claque dans un moment de rage. Il manque limite de te claquer les doigts au passage. Même si c'est pas son objectif, mais il est super vénère. Putain ! Ah, il chope un truc sur le côté, il le jette contre le mur de rage. c'était tout l'argent ? Putain, toutes les recettes, on n'a plus rien. Merde. Attends, c'était pas perdu. Elle avait pas d'autres sources, des trucs à vendre ? Non, à mon avis, elle s'est barrée avec tout. Chier. Je sais pas ce qui clochait, mais quand elle est rentrée, là, elle était... Oh, merde. À mon avis, c'est ça. Et pourquoi elle aurait fait ça ? J'en sais rien. Bon, comment ça se fait qu'elle a changé ? Il y a bien une raison, un départ. Quel était l'élément où... Patron ? À ce moment-là, vous êtes interrompu par un dégus qui lui revient du côté gauche. Venez voir. On va voir. Hein, commencez à vous diriger au niveau du côté gauche, qui était en effet une chambre à coucher. Et suspendu au lit pour trouver le corps de ce qui semble être la corneille pendue. Moi je suis derrière, mais genre... Moi je pense à un regard atorique de « Putain, c'était pas du tout comme ça que c'était censé se passer. » Ouais, est-ce que moi j'arrive à voir de loin, est-ce que je pourrais oui, toi, me tu dire... Oui, tu t'es un petit peu rapproché, voilà, en mode sans vraiment rentrer là où t'as pas le droit d'aller. Pour voir en gros, si je, comme ça à vue d'œil, si ça fait longtemps qu'elle est morte. Ben justement, t'as même pas besoin de faire ça parce que d'un coup tu vois le mec qui t'appelle. Hey, toi là-bas, t'es hospitalier, non ? Je fais un oui de la tête sans Allez, rends-toi utile. J'avoue. Moi, pendant ce temps-là... Je m'avance, alors. Parce que lui, il va faire ses trucs de médecin. Moi, je veux regarder, je vais faire un gros repérage visuel de la pièce, voir s'il n'y a pas un seul endroit où la tenue pourrait être. Il semble y avoir une espèce d'armoire qui a l'air d'être fermée à clé aussi, qui pourrait très clairement contenir la tenue. Cette fois-ci, il y a largement la place. Et d'ailleurs, je vais te demander de me faire un jet de perception. Moi ? D'accord. Oui. Au moment où tu scrutes la pièce. Pendant qu'il fait son perception, je demande au gars de décrocher le corps. Ouais. Tu vois les mecs qui montent sur le lit, il y en a un qui sort un couteau qui la décroche. Posé elle avait accroché la corde à une espèce de. De barre qui traversait le plafond. Et il y a une chaise qui a été renversée, donc qui a sans doute été posée au niveau du lit. D'accord. Qui est basculé en tout cas en plein milieu de la pièce. Bah, je leur demande de poser le corps sur le lit pendant qu'elle en regarde, qu'elle fait son petit tour. Toi, Bi, tu remarques au niveau de l'achèvement de l'armoire, en fait, c'est une armoire mais presque un buffet en fait, dans le sens où t'as des objets qui sont posés et parmi eux un trousseau de clés. Écoute, tout le monde normalement est genre hyper concentré. Je vais en profiter parce que je suppose que dans le truc j'ai quand même vu qu'elle ziotait un peu à droite à gauche. Je vais leur dire, écoutez, je peux m'occuper d'essayer d'un peu de savoir depuis quand elle est morte, mais pour cela j'ai besoin de sortir des espèces d'onguents qui sont vraiment pas comment dire, c'est pas terrible de sentir ça, donc je vais lui demander le temps. Ça va pas prendre longtemps, j'en ai pour un petit quart d'heure, 15 minutes de sortir de la pièce, le temps que je fasse ça, et vous revenez tout juste après. De toute façon, je pense que on est plus à 15 minutes près, genre elle est morte. Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous qui l'avez tué et que vous avez maquillé ça en suicide? Et vous avez planqué l'argent. Vous me demanderiez de l'ausculter. Clairement, je peux vous dire qu'elle est pas morte depuis qu'on est là. Elle est morte, ça fait bien plus longtemps. D'ailleurs, t'aurais que fais-moi un G de médecine. D'intelligence médecine. Ok. Avec une difficulté alors, de 3. Médecine, c'est 6, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai 1, 2. Putain, alors j'ai deux réussites sur 6. T'arrives pas trop à savoir depuis quand elle est morte. Tu vois, en tout cas, c'est sûr, ça fait sur plusieurs heures, enfin, mais ça peut faire peut-être un jour, voire même pourquoi pas deux. Du coup, ben voilà, moi je leur dis, écoutez, là, comme ça, je peux pas, il faudrait que ce soit plus approfondi, j'aurais besoin d'enlever les habits et tout, mais là, comme ça, je peux vous dire, ça fait déjà quelques heures qu'elle est morte. Si vous me laissez ces petites 15 minutes, je pourrais vous dire exactement quand est-ce qu'elle est morte et depuis quand elle est en train de se balancer. Tu vas faire quoi pendant 15 minutes ? J'ai besoin de... Alors là, j'essaie de sortir des termes techniques vraiment de médecin. Genre, le truc pour lui, c'est du chinois, quoi. Mais en gros, de lui dire, voilà, j'ai besoin de passer des onguents, au niveau de la corde, de savoir, au niveau du cou, savoir depuis combien de temps les chairs sont en putréfaction. Donc justement, cet onguent va faire en sorte de mettre en valeur des choses que seuls les hospitaliers peuvent savoir. Ouais, ok, c'est bon. Voilà. Tu vois, il se barre. Ensuite, il va parler à un de ses potes, et vous voyez qu'il chuchote à l'oreille quelque chose. Le pote en question... Il repart, traverse la salle et puis se rend dans le petit couloir pour retourner en direction de l'auberge. Ça me fait peur, ça. Et toi, Mokoche, tu t'es déplacé, donc tu t'es éloigné un petit peu, mais j'imagine que tu t'es pas barré non plus complètement. Oui, non, je me suis pas barré super loin. Il est retourné à justicienne. Et toi, tu vois un mec qui ressort, il fouille le gars, et il balaye la salle du gars, et puis au moment où il t'aperçoit, il fait « Hé, toi !» Ah ouais, bah du coup je m'approche. Viens, faut qu'on parle. Tes deux amis sont morts. Suis-moi. D'accord. Bon bah du coup je le suis. Légèrement sur mes gardes tout de même, mais... Ça, tu traverses la salle. Donc comme je décris aux autres, un couloir, puis une espèce de grande pièce avec plein de lits. Et ce motif voilà de lits, table de nuit, machin, qui ont été posés. Des chiens qui grognent au moment où tu passes à côté d'eux. Et puis juste derrière, trois apocalyptiques. Et puis il y a un chef qui commence à te parler. Vous, l'autre côté, vous entendez une discussion qui se lance. Ouais, on a un problème. Il va falloir que tu parles à tes patrons. Quel est le problème ? Visiblement, notre corneille a mis fin à ses jours. Alors on va s'assurer que... L'accord avec les anabaptistes tient toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Pacte sacré. Et on veut pas que ça s'ébrute non plus. Oui, ce fameux pacte qui consiste en... ouais, voilà. Ouais. Oh. Et vous d'ailleurs, vous reconnaissez la voix de Mokoche. C'est parfait, ça. Ce qui est quand même assez improbable. Et Mokoche, par déduction, tu comprends que toi t'as été choisi parce que t'étais la seule anabaptiste présente au sous-sol. Ouais, j'imagine bien, oui. Mais du coup, là, il reste que moi et Torik. C'est ça, le Torik était suffisamment convaincant pour. Bah, en fait, du coup, ma technique de rien dire et de me faire oublier, ça a marché parce que normalement, il n'y a que lui qui devait rester, mais. Mais oui, complètement. Parfait, donc la technique de fermer sa gueule, des fois ça marche. Hashtag Bob. Tu t'es mis dans un coin, tu les as aidés, et puis voilà, tu... C'est ça. Bah du coup, je prends un trousseau de clés, et je commence à toutes les essayer sur ce putain de d'endroit où il y a peut-être ma tenue que je cherche depuis le début. Ok. Tu vois qu'il y a une des clés qui passe. Yes. En regardant la taille des autres, tu te doutes que sans doute l'une d'entre elles devait servir à ouvrir le coffre, et l'autre, la porte. Ok. C'est quand même vachement chelou, mais ok. Ouais. Wow. Je veux dire, le fait que ça... Pas ta narration, mais... Putain, le fait que tout soit à l'intérieur et qu'elle a peut-être été, tu vois, l'idée. Dans le même temps, j'enlève les fringues et tout, et puis j'essaie quand même pour moi, hein, de savoir depuis quand elle est morte. Ok. Tu vas faire... Ouais. Cette fois-ci, un jet d'intellect science. Est-ce que pendant qu'il fait, je peux savoir ce qu'il y a dans cette putain de... Ça m'a fait, tu l'ouvres et puis il est parti ailleurs. C'est 6. Mais allez. De ton côté, Abby, Oui. Tu insères la clé dans la serrure. Tu fais pivoter la clé. Je fais 4 réussites. Tu retires la clé et tu poses délicatement tes doigts sur la petite poignée de bois. Et tu commences à entrouvrir la porte. Enfin, Bon, tu ouvres l'armoire. Dans un léger grincement, toutefois suffisamment discret pour que les apocalyptiques présents à quelques mètres ne vous entendent pas. À l'intérieur de cette armoire de bois, tu remarques l'armure en question. Oui ! Oui ! Putain ! Qui est en effet semble être une espèce d'armure militaire noire, donc c'est une espèce de vert foncé. Alors, ça n'a pas le motif de camouflage, mais ça a l'air d'être complètement pensé pour ça. Elle s'appelle l'ombre noire. Donc, je prends l'ombre noire entre les mains. Les apocalyptiques, dans un élan d'imagination pardon, et d'originalité incroyable, ont appelé l'armure de l'ombre noire. Moi, ça me va, je trouve ça classe. Je prends cette chose entre les mains, et je vais du coup la prendre, mais pas m'habiller maintenant parce que ça serait chelou, mais la prendre et la mettre, genre, j'ai toujours mes sacs, un truc comme ça sur moi, non ? C'est volumineux ce machin. T'as un sac, mais en effet c'est plutôt volumineux et surtout qu'elle se plie pas en fait. Elle se plie forcément, je veux dire, pas très facilement. Ouais. Tu vois que c'est quand même plus rigide qu'un simple manteau. Ce que je fais, c'est que étant donné que je viens de débarrasser les fringues de la corneille, je lui balance les fringues comme si genre il pouvait recouvrir l'armure de fringues, comme si c'était les fringues de la gonze qu'on allait balancer je ne sais pas où. Donc, okay. Moi j'ai une question. Mm-hmm. Mon manteau de cuir, il descend jusqu'à où à peu près? Quel manteau? Le tien? Ou celui que tu aurais acheté? Le mien, le manteau de cuir. Je mets pas d'armure. Le manteau de cuir que j'ai qui me sert d'armure en fait. Alors le tien il descend à peu près, j'imagine, jusqu'au bas de la fesse. Donc tu vas le griller. Attends. Et je précise quand même, l'armure comprend aussi le pantalon. Exactement, mais est-ce que. Il est possible. Mm-hmm. Là c'est purement théorique, hein. Là encore ce temps n'existe pas, c'est juste moi qui réfléchis. Genre par exemple, je mets l'armure, je ferme mon manteau de cuir pour faire genre tout va bien. Et je remets le pantalon que j'ai actuellement par-dessus l'armure. Est-ce que ça pourrait passer ou est-ce que avec tes fringues à toi, tu penses que ils seront pas assez amples. Surtout que t'es plutôt mince de nature. Bien sûr. Et vu que l'armure est un minimum épais, tu peux essayer. Mais ça sera pas gagné d'avance. Moi j'insiste, je dis mais bien sûr. J'essaie de plus en plus. Mais ouais, du coup on va faire Parce que je te vois hésiter en train de faire. Je suis mais putain, fais-le! Et moi, entre temps, j'ai fait 4 réussites. Ok, d'accord. Pendant ce temps-là, avant de te décrire la fin de ton action, toi, Mokosh, tu vois, le mec qui continue de parler avec toi, tu vois. Déjà, il t'a donné 50 lettres de change de sa poche pour être sûr que tu gardes le silence. Ouais. Sympathique. Voilà, bon, évidemment, on continuera de vous alimenter, si jamais vous inquiétez pas, on a largement les réserves qu'il faut. elle était dépressive, mais rien n'empêche, le business tourne toujours. Ouais, très bien. Et je leur dis quoi si on me pose des questions sur ce qui s'est passé? Elle était dépressive. Et visiblement, elle a toujours été un peu instable, mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a déconné, elle a dû s'enfermer enfin, elle s'est enfermée dans sa cellule. Enfin, dans sa chambre. Et puis. Elle s'est pendue. Et on a même appelé un hospitalier pour. Pour attester de ce qu'on vient de dire. Venez voir, vous. Et d'ailleurs, toi, Torik, avec ton jet de science, en examinant un petit peu, on va dire, la corde, la solidité de cette dernière. La taille de la chaise, du lit, de la victime, tout paraît cohérent. Le suicide a l'air crédible. Il n'y a pas de. T'as un petit peu étudié ça, même si vous êtes plus dans la médecine que dans l'enquête. Mmh. Mais globalement, des cas de faux suicides, tu sais, de suicides maquillés, t'en as déjà eu. Ça n'a pas l'air d'en être un. Et est-ce que je peux. Et si c'en est un, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'en est un, mais qui est très bien fait. Est-ce que je peux déduire Enfin, quand ça s'est passé? Bah, t'as essayé tout à l'heure et malheureusement t'as échoué. Ah, mais du coup, j'ai pas pu recommencer parce que ce serait trop facile. Ah, d'accord. Bon. Mais du coup, bah, j'arrive, je sais pas quand il m'appelle, je vais effectivement, et ça, tout paraît concorder avec un suicide, malheureusement. Très bien. Voici mademoiselle Anabadit, notre hospitalier. Ah oui, un hospitalier. Oui, c'est l'un de nos plus proches collaborateurs. Donc, soyez sûr, j'ai toute confiance en lui. Oui, il a l'air digne de confiance. Soyez sûr de la véracité de ses propos. Et tu vois, toi, Tori, qui donne une espèce de petit coup de coude discret en mode. Ouais. Tu m'écoutes, quoi. Oui, tout à fait. Je suis toujours disponible pour donner mon avis sur ce genre de problème. Et donc, vous avez fini de vérifier la scène, monsieur hospitalier? A priori, c'est réglé. Il n'y aurait pas grand-chose à faire de plus. Maintenant, faut-il juste savoir ce que vous voulez faire du corps. Je peux la ramener vers mes collègues hospitaliers, si vous voulez. Ça serait bien que... Si vous voulez être plus discret, ce sera à votre convenance. Mais personnellement... Au niveau du couloir, on a un second passage qui permet un petit peu de passer par le bordel. On peut essayer de passer par là, mais ça serait bien de la mettre sous un drap, vous voyez, quelque chose comme ça, si vous voulez. On peut la porter sur une espèce de planche, la couvrir d'un drap, et puis il suffit de dire que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce que vous n'auriez pas ici, parce que je sais que, bon, de vous, c'est quoi ton nom, là, ton clan, là, les apocalyptiques, vous avez toujours une voix dérobée. L'un des mecs, l'un des collaborateurs qui sont profondément insultés. Non mais c'était pas... ça c'était hors RP, on est bien d'accord, j'avais trouvé non. Mais je me doute que vous avez peut-être une échappatoire, un passage un peu à l'abri des regards, et on pourrait peut-être déplacer le corps par cette voie afin de soucis. Passer par le bordel quoi qu'il arrive, sinon il y a... Sous le fort, mais l'accès est condamné, c'est compliqué de... Ou alors, là, il y a un des mecs qui propose son idée de merde, on peut la donner à bouffer aux chiens. Oh, on va éviter, ouais. Je pense. C'est condamné comment? Ça s'est éboulé. Ah, il y a un éboulement, ouais. Ah. On sait pas vraiment sur combien de mètres, mais... l'éboulement, on n'a jamais cherché à creuser dedans. Ouais, c'est pas jouable, hein. Et d'ailleurs, indication entre parenthèses, mais genre, j'essaie de tenir, tu sais, les vêtements, mais c'est en mode totalement neutre. Tu sais, je suis pas en mode j'essaie de le cacher ou quoi, c'est genre je le tiens, comme si c'était mes affaires, tu vois. Genre, tu vois l'idée de totalement détacher. Est-ce que vous n'auriez pas l'équivalent d'une civière ou d'un truc comme ça qu'on pourrait, pourrait la mettre dessus, prétextant qu'elle se sent mal et qu'il faut l'amener. Non, mais les gens se posent des questions. Non, j'ai une meilleure idée. Oui. Vous savez quoi, le coup du siècle? C'est le mec au crâne à moitié rasé qui vous dit ça. Oui. On va faire croire que Mac est mort. D'accord. On va le laisser ici, il va passer. C'est juste le temps qu'on mette la situation au clair. Okay, donc on va mettre un drap par-dessus et on va prétexter que c'est lui. Ça. Ok. On veut pas cacher sa mort, mais il faut pas qu'on montre le moindre signe de faiblesse. D'accord. J'entends. Vous serez payé pour ça. Si jamais vous dévoilez quoi que ce soit qui s'est passé ici, on vous retrouve et on vous tue. Je n'ai aucun intérêt. Vous savez, les hospitaliers, nous ne sommes pas... nous n'avons aucun attrait pour les jeux politiques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre. C'est tout. Très bien, je suis bien d'accord. Vous voyez l'Anabaptiste qui se trouve ici? C'est l'une de nos plus proches collaboratrices. Elle connaît personnellement les Anabaptistes en chef qui dirigent cette ville. Si vous faites de nouveaux ennemis, toute la ville deviendra votre ennemi. Ouais. Et je m'occuperai de vous personnellement. Écoutez, comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun intérêt à... à dire quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Je vous fais confiance. Et en attendant, je vous remercie de votre présence. Si vous n'étiez pas venu tirer votre coup ici, les deux. Par contre, s'il vous plaît, essayez d'être discret aussi par rapport à ça, s'il vous plaît. Hein, très bien. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Oui. Nous avons chacun nos secrets à garder. Et si Mike vous a vu, soyez sûr qu'on aura une discussion avec lui pour qu'il en parle à personne. Ouf, après dans l'état où il était quand on est arrivé, je pense qu'il y a peut-être... Ne vous inquiétez pas, il est toujours comme ça. Voilà. Mais écoutez, dans ce cas-là, prenez une civière, mettez-la dessus, on va mettre un drap et cacher ses effets personnels en dessous. Et je pense que... la dame Baptiste et Lapi pourront peut-être emmener le corps, comme ça vous pourrez prétexter que vous discutez ici avec la corneille, je présume. Okay, ça sera moins grillé, si je puis dire. Attends, du coup tu viens de proposer de... Tu peux couper. De faire en sorte que Mokosh et Abby transportent le corps avec moi, vu que je suis l'hospitalier, enfin je suis celui qui est censé avoir déclaré la mort de Mike, ou je sais plus comment il s'appelle, Jojo, oui. Et que eux ils restent ici, genre en mode comme s'ils étaient en train de discuter avec la corneille qui n'est pas là, en fait. Très bien. Ça nous va. Hospitalier, donc je compte sur vous pour l'amener auprès de vos collègues. Vous la faites analyser, je sais pas, et vous venez me faire un rapport comme vous voulez. On s'en occupera, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Une fois que vous viendrez faire votre rapport, vous serez payé. Faites-la passer pour n'importe qui. Son visage n'est pas super connu en ville, elle se montrait pas très très souvent. D'accord. Ok, ça super. Marche. Bon ben, on y va. Hein. Je compte sur vous depuis le temps qu'on se connaît. Vous allez voir Wolfgang, vous lui expliquez tout. Entre il fera remonter ça à ses supérieurs, on prendra rendez-vous et on établira la situation. On pourra renégocier certains traités si ça les arrange. Vous leur dites ça, hein, c'est important. Moi, si c'est possible, genre pendant qu'ils discutaient là pendant tout ce dialogue, vu que moi je me suis pas impliqué, mis à part pour poser 2-3 questions, après je suis reparti, vu que tout le monde avait l'air plutôt centré sur la discussion, je voulais profiter, tu sais, pour récupérer le bâton de Toric. Et pareil, tu vois, genre là tous mes déplacements, je les fais en mode super naturel, tu vois. Genre c'est l'idée, plus je fais ça naturellement, moins il y a de chances qu'on me repère comme louche, tu vois. Genre pour récupérer le bâton de Toric sous le lit, et de comme ça après le tendre, tu sais, quand la conversation est finie, je fais tiens ton bâton, et puis voilà. Ok. Fais-moi quand même un jet de furtivité. Bien sûr, je m'attendais un peu, mais... Furtivité, où es-tu? Tu peux combiner, alors même ça va pas être furtivité, donc pour moi ça va être mobilité combinée ensuite à furtivité. Alors, mobilité... Donc ça va être un peu plus difficile, mais les déclencheurs vont s'additionner. 4 et 5 G, ok. Ouais, la difficulté de la mobilité est à 2, la furtivité à 3. 3 réussites, 1 déclencheur pour le premier. Hop, 3, R, 1, D. Non, pas 14 D, putain. Non, ouais. J'ai fait 3 réussites et 14 déclencheurs. Et après, c'était 5 D. Mais non, pas 4 D. Oh, lâché. Alors, j'aime bien ce que je vois. 1, 2, 3. Oh, en fait, finalement, c'est pas si ouf. Ça fait du coup avec 3 réussites. Enfin, j'ai fait le même G en fait. Mais... Enfin, bref... un déclencheur. Dans tous les cas, les deux G sont réussis. Et donc, les déclencheurs s'accumulent. Ce qui te fait 2 déclencheurs. Ce qui est donc une réussite plus que correcte. Ok. Sur le pire, j'avais une excuse de mode bah on a baisé là quoi. Donc, tu vois l'idée. Ouais. Ok. Voilà, tu vois, tu arrives à récupérer l'arme, ils font pas trop attention à toi, tu vois. Ils sont même. Ils s'en foutent en fait. Eux, il faut comprendre que, même si c'est à la fois un acte un peu dramatique, ce qui vient de se passer, c'est également aussi une énorme chance pour les gens apocalyptiques qui s'en battent un peu les couilles de leur chef. Mais en fait, moi, sur le fait de récupérer l'arme discrètement, c'est que genre, si jamais ils remarquent que l'autre est blessé, qu'ils fassent pas le lien entre l'arme et la blessure. Sûr, ouais. C'est pour ça que je préfère le récupérer maintenant que genre après qu'il soit blessé et qu'on fasse ah en fait on a un bâton. Ah bah tiens, il y a du sang dessus. C'est bizarre. Quel hasard. Non, mais c'est ouf. Tu récupères l'arme. Pareil, tu la mets dans les espèces de fringues. De... Mais bon, ça commence avec c'est. Il faut pas trop gaffe à toi, mais tu te dis ça va peut-être faire un peu louche quand même que si tu te déplaces avec simplement des vêtements sur toi. Le mais Disaster Hunter, tu vois, tu l'as pris, forcément tu peux pas le cacher sous les fringues parce que ça c'est beaucoup. Mais enfin, c'est, En fait, moi j'étais parti du principe que on a le brancard, et tu veux donc les draps, ouais. Le drap recouvre un corps, mais genre tu peux mettre les fringues sous avec le là, corps. Là par contre, fait. Clairement. Oui, oui. Mais et non, du coup, le dilacérateur peut être en dessous, ouais. Avec le corps en fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce qu'Abby vient de faire en fait, c'est que je pense qu'elle cherchait à faire, c'est un petit peu de s'effacer. C'est-à-dire que ils vont la voir avec le dilacérateur, même si elle va pas trop le mettre en avant, mais bien ça sûr. Va pas vraiment les choquer. Ils vont pas se poser la question de. En fait, c'est un peu, on va dire, la comparaison un peu étrange, mais un fourracan dans un film, la plupart du temps, tu t'en rends pas compte. Si jamais tu sors un objet dans sa main alors qu'il l'avait pas avant, et parce que ça paraît cohérent. Mais du coup, moi, ce que je veux faire, c'est. Genre, elle me donne mon. Elle peut me le donner, j'imagine, mon dilacérateur en main. C'est ce qu'elle veut faire, elle veut me donner mon dilacérateur dans la main. Bah c'est ça, ils sont en train d'organiser une civière, les autres potes, ils sont allés chercher une espèce de planche qui était derrière les tonneaux. Je te le mets sur deux chaises. Donc ils sont posés côte à côte. Et puis ils vont chercher le corps. Du coup, ils le posent sur la planche. Ouais. Ouais. Non mais vas-y, ils le posent sur la planche, en effet, ils vont le recouvrir d'un drap. Parce qu'ici, elle est un peu plus connue que par les hospitaliers qui viennent juste d'arriver. Du coup, moi, donc elle me tend mon dilacérateur. Je vois Abby qui est avec son paquet de fringues. Donc, pour les gens, ce sont les fringues de la corneille. On est bien d'accord. C'est ça. Donc, je sens qu'elle a caché plus ou moins l'armure sous les autres fringues. Du coup, moi, je lui demande ouvertement. Je dis, mettez les habits en dessous avec le corps pour pas qu'on puisse reconnaître que ce sont ses habits. Il vaut mieux cacher tout ça. Bonne idée. Truc pourri quoi, genre mettez ça en dessous, on pourrait reconnaître ses couleurs. Ouais. Vous avez raison, une fois que vous les avez ramenés en haut, brûlez-les, je vous fais confiance. D'accord, on s'occupera de tout ça, vous savez, ce sont des. D'ailleurs, toi là, et tu habites, toi, il te regarde un peu, viens voir. Je j'y vais. Il te prend un peu à part. Ok, écoute-moi, on a une crédibilité à garder, d'accord? Bien sûr. On a tout l'argent. Le coffre que tu as ouvert était rempli à ras-bord. On est bien d'accord. Bien entendu. Que ferait-on sans trésorerie? Voilà. C'est ce que j'aime. Okay. Mais du coup, il y a quand même un suspense. Enfin, là, je suis hors RP. Hein. Mais qui a volé l'argent? Totalement. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est un meurtre. Mais ça tant pis pour l'instant. Après moi je veux dire, je m'en fous un peu, j'ai ma tenue, maintenant je suis heureuse. Mais après moi je peux jouer le jeu de la peau en disant j'amène ça au hospital, j'amène vraiment le corps au hospital pour avoir un avis plus approfondi sur vraiment comment elle est morte. Et de toute façon comme ça on touchera de l'argent derrière, donc si on peut gagner quelques crédits en plus. Il est quelle heure là au fait? Ça fait combien de temps qu'on fait tout ça là? Là ça fait bien quelques heures, vous vous doutez qu'au moment où vous allez sortir la nuit sera sans doute tombée. Ouais, donc il faut qu'on se mine quand même parce que... Vous êtes réveillé, c'était le début d'après-midi, le temps que vous alliez sur le marché, que vous descendiez, que tout s'installe, que vous prépariez votre plan. Voilà. Et bah du coup moi je presse un peu donc le jour se lève, enfin se couche quand même relativement tôt. Je presse un peu les mecs en disant bon faut qu'on y aille, moi si je dois encore faire des analyses sur le corps j'ai pas long. Ouais, bonne idée. Voilà. Bon, allons-y. Vous commencez à porter le corps et donc vous dirigez au niveau de la sortie. Ok. Vous pouvez voir sur le plan qu'il y a en effet une espèce de sortie parallèle qui mène plus au bordel et qui permet un petit peu d'éviter, on va dire, le grand. Enfin, tout ce qui se passe au niveau de l'auberge. Vous faites ensuite le tour en passant au niveau de l'accès du puits. Et c'est par là que vous allez ressortir et croiser les premiers hospitaliers. qui est-ce qui porte la civière? Il faut deux personnes. Ah, c'est pas moi en tout cas. Quoi? Pourquoi? Ben moi, je suis l'hospitalier, je... Moi et Mokaj, du coup, vu qu'on a le choix. Faites-moi toutes les deux un jet de force. Là, je rate. Non, mais je vois tout. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement un échec critique qui pourrait vous... vous mettre en cause. Alors, ça tombe bien que tu le dis, non, je rigole. Parce que j'ai fait deux réussites, deux déclencheurs. Très bien. Deux. Putain, mais aujourd'hui j'ai genre une espèce de tendance à faire le nombre de réussites en déclencheur. C'est assez drôle. Ah bah j'ai que deux réussites dans un déclencheur. Je suis un peu triste. Parfait. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Mais oui, vous arrivez à vous déplacer sans problème, sans trébucher sur quelque chose au sol qui aurait pu faire tomber le cadavre en plein milieu de l'auberge. Tout se passe bien. Bon, forcément, au moment où vous arrivez au niveau de l'accès du puits, là c'est un peu plus compliqué. Mais je vous passe les détails, vous écartez un peu les gens autour, vous vous démerdez, et puis vous arrivez à remonter le corps. Touric, lui, vous accompagne, il a un petit peu, on va dire, cet argument d'autorité qui fait que quand un spécialier demande aux gens de s'écarter, les gens s'écartent. C'est bien. C'est plutôt bien. Mais du coup, moi, vu qu'on a. Là, on va arriver sur, au niveau des hospitaliers, là. On est. Pardon ? On va arriver au niveau des hospitaliers, ben on y est déjà ou... Exactement, et d'ailleurs, au moment où vous sortez, ils sont déjà là en train de vous regarder et ça prétend à vous demander ce qui est en train de se passer. Du coup, moi je vais au devant d'eux avant même qu'ils me posent quoi que ce soit comme question. Un collègue. Je dis salutation entre hospitaliers. Oui, c'est ça, tu te mets presque garde à vous. Écoutez... Nous avons eu un décès et j'ai besoin de faire une petite autopsie afin de savoir les causes réelles du décès. Est-ce que vous auriez un petit endroit où je pourrais faire ça Bah, il y a le camp à l'entrée de la ville. Hein. Bah, écoutez, si vous pouvez me réserver une petite salle un peu discrète, j'aurais besoin. Moi, de je vais rester là pour le puits, mais. Mon collègue ici présent va vous escorter jusque là-bas. Ouais, merci beaucoup. Pas de soucis. Et ces deux-là, c'est des témoins? Ah, ils sont avec moi. En plus, bon, il faut bien que quelqu'un porte le corps, et je pense qu'on a autre chose à faire que porter, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, non, on va pas se rabaisser. Enfin bon. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. Putain. Allez-y. On y va. C'est pas quelqu'un d'important, au moins. Non. Ouais, il dit ça juste au moment où vous vous apprêtiez à partir. Ouais. Non. Personne lambda. D'accord. Ok, super. Allez-y. Appelez la police. Non. Bon, ben on suit, hein. Vous reportez, vous traversez la ville comme ça de nuit en essayant au possible d'éviter. de croiser qui que ce soit, même si en effet le fait qu'il y ait un hospitalier parmi vous. Il y en a deux même. Complètement... Oui, deux également. Ouais. Complètement le fait que vous vous déplacez avec un cadavre. Il y aurait eu juste Abby et Mokosh, vous auriez forcément éveillé les soupçons. Non, je vois pas pourquoi, monsieur. Quoique, encore, les anamatistes représentent un peu l'autorité en place ici dans cette ville, donc ça aurait pu passer. Dans tous les cas, vous arrivez sans encombre au niveau du camp. On vous réserve. Une salle, enfin une tente, juste pour toi, Toric. Malheureusement, tu n'as pas le droit de participer seul à l'autopsie, étant donné que tu as ramené le cadavre. C'est une règle forcément qui est normale au sein de l'hôpital, sinon ça faciliterait amplement le. Ouais. Oui, de toute façon, après, honnêtement, Osef, quoi, c'est. Est-ce que tu souhaites rester quand même pour obtenir les résultats? Ah bah oui, moi okay. je fais l'autopsie avec le collègue, quoi, tu vois, je veux dire. Après, okay, eux, ils connaissent pas forcément, ils la connaissent pas, j'imagine, de toute façon, vu qu'ils disaient Non, elle... eux, ils viennent d'arriver, donc. Elle était pas trop connue en dehors du milieu. En plus, pour des gens qui viennent juste d'arriver, qui vivent en dehors de la ville, c'est vraiment une parfaite inconnue. Et en plus, étant hospitalier, on en a rien à secouer des fringues et tout, donc même s'il voit l'armure en question, il s'en fout quoi. Oui, bah il va pas se dire c'est voilà, moi je récupère les fringues, ça n'a aucun intérêt. En plus, c'est pas stérile, donc. Non, puis tu te présentes, il y a un certain argument d'autorité, il y a un hospitalier parmi vous. Tout récolte, si tu parles un petit peu de toi et ils ont pu éventuellement entendre parler de ton prénom, t'as une bonne réputation. Bah oui, monsieur Kramnik. Oui, bah je le fais, de toute façon. Surtout que l'escadron de Rash était présent ici, donc eux, pour le coup, te connaissent. Oui, oui, bah écoute, moi, je me présente quand même, hein, on n'est pas des rustres. Hein. Tu te laves les mains, tu désinfectes tout comme il faut, et puis vous commencez à vous occuper du cadavre. Ça va durer quelques heures. Vous faites quelques tests. Ce sont des tests primaires, hein, étant donné que c'est pas une personne importante et qu'il n'y a pas de situation, enfin de circonstances plus suspectes que ça. C'est vraiment en fait le B.A.B.A. Bon, il voit quand même qu'il y a eu une corde qui lui a un petit peu la gorge. C'est ça. En conclusion, en effet, elle est morte étranglée. Il y a des traces très nettes autour du cou. Elle n'a été ni droguée, même si elle était légèrement sporulée, donc elle avait sans doute consommé de la brûlure, pas forcément juste avant sa mort, mais dans les jours un peu avant. Ah oui, cette information. Elle, sur son corps ne se trouvait aucune trace de lutte, notamment au niveau des poignets, quelqu'un ne l'a pas, on va dire, contrainte. Ouais. Ses ongles au niveau de ses mains sont intacts. Souvent, lorsqu'une personne se défend. Oui, il n'y a pas de chair sous les ongles et tout ça. Ouais. Surtout lorsque tu es étranglé, voilà, c'est ça. T'as facilement, voilà, soit tu te pètes un ongle, en effet, soit tu as de la chair en dessous. Non, là, tout est plutôt net. Oui, donc c'est clairement un suicide. C'est ça. En conclusion, en effet, le suicide est la thèse la plus probable. Il n'y a aucun élément qui permettrait d'indiquer. Autre chose. Autre chose. Et du coup, maintenant, est-ce que on peut savoir quand est-ce qu'elle est morte ? Vous savez qu'elle est morte il y a quasiment une journée. Ça fait quasiment une un jour journée que c'est morte. D'accord. Ok. C'est ça. Et bien, écoutez, dans ce cas-là, moi après, je vais demander à ce que. Donc, sans doute dans la nuit en fait du jour d'avant. Mais du coup, une fois que c'est terminé, vu que c'est une personne lambda, je vais demander à ce que le corps soit je sais pas, incinéré ou quoi pour que ce soit plus propre. Pas de souci, on va prélever quelques organes pour les jeunes étudiants et puis. Ok. Elle est plutôt en bon état, donc autant en profiter. Ouais, bah écoutez, merci, je vous remercie et puis. Et puis au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien. Au plaisir, collègue. Donc on s'en va. Qu'est-ce que tu fais de ton armure, mademoiselle ? Bah, je vais la porter après et je vais pas me déshabiller là maintenant, hein, c'est bon. J'ai déjà vu à poil une fois aujourd'hui. Ouais, ouais, en même temps, la nudité en soi, tant qu'elle vient pas se frotter à moi, ça me fait rien. Oui, toi, oui, si tu la vois au loin, ça va. Oui, bien sûr. Ah, attends, viens, je vais dire à Mokosh que tu me vois à poil deux fois dans la même journée, tu vas voir. Mais Mokosh, il sait que je suis pas intéressé par les plaisirs charnels, de toute manière. Un rock. Je suis impassible. Tu l'as vu ? Avec le G-Metal, faut pas provoquer Mokosh. Oui, oui, mais. J'imagine que pour changer, vous rendez au niveau de votre chambre. Oui, c'est ça. Dans l'auberge. En gros, le principe, c'est moi, je veux la mettre au moment où on va partir, ouais. Genre à l'aube. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais précisé, mais toutes les nuits que vous avez passées à l'intérieur ont été payées par le commissaire, par elle, lorsqu'il était passé. Oh, sympa ça. Il s'était pas amusé à calculer, il avait déposé un compte de lettre de change et puis il était parti. Ok, nickel. Si tout est fait, on n'a plus qu'à aller. Maintenant que les filles elles sont en train de se changer, je veux en profiter pour retourner là-bas et donner le verdict final de ça pour empocher des sous quand même. Il y a des sous à la clé. Mettre les sous aux éléphants, on a tellement d'argent. Ah, ben non, ce sera crédible parce que si je reviens pas, le gars il va se dire attends, le mec il va pas revenir. Non, j'ai la même affaire moi aussi. Hein ? Moi aussi, il faut que j'aille voir mes patrons, il faut que j'aille dire des trucs, tout ça. Eh ben, écoute, ouais, pendant que moi, je vais rendre mon... Ah, moi, je vais juste rester avec Torik, au cas où il voudrait lui mettre à l'envers. Ok. Mokosh, bon, c'est les anabaptistes, ils vont. Est-ce que tu as l'armure sur toi? Tu auras l'armure sur toi à ce moment-là ou tu l'as mis... C'est l'idée. J'ai dit, moi, je la mettais quand on se lèvera à l'aube. Donc, tant qu'on n'est pas parti se coucher, je mets pas l'armure. Tu l'as planqué, j'imagine, sous ton lit, sur place. C'est l'idée, oui. Si on est passé, genre sur le chemin, hop, je mets ça dans ma chambre, je ferme. Voilà. Dans tous les cas, vous avez fait ça de manière intelligente. Tu l'avais planqué sous des tas de fringues. Il n'y avait pas de raison de penser que. Oui, voilà. Non, bah, la coque, c'est ça. Puis, mais ça serait très con que je ramène l'armure sur moi alors que. Oui, c'est vous ça. Avez vu ce que j'ai trouvé par terre? De rien, certaines personnes l'avaient pu l'apercevoir exposé. Bah oui, c'est pour ça que ça serait un peu con. Mais du coup, ouais, je veux. Comment on appelle ça? Je veux, bah, du coup, accompagner. Ça passerait mal. D'accord. Et pendant ce temps-là, Mokosh va voir les anabaptistes. Ok. Bon bah on te laisse gérer, hein. Vas-y, nous on y va, comme tu veux. Ouais, Mokosh, toi tu vas voir Wolfgang, j'imagine. Oui. Qui est un petit peu ton boss dans cette ville. C'est le boss local. C'est ça. Tu vois, au moment où tu te rends dans sa chambre, tu recroises l'une des piques que vous aviez déjà croisée, qui est le petit blond qui fait partie de la nuée de Karf. Puis lui demande de dégager et puis fait. Oula, excuse-moi, ça a coupé. Ouais. Et il t'accueille. Il est dans sa chambre, dans sa chambre au niveau du fort. Donc là, t'es à l'intérieur du fort, donc le truc a été un peu rénové comme il pouvait, mais voilà, globalement, c'est des grands murs de pierre. Le sol est en pierre, il fait froid. D'accord. Et donc là, je suis avec lui, donc je peux lui parler. C'est ça, t'es seul à seul dans sa chambre. Ok, d'accord. Bon, déjà, pour commencer, je le salue. Hein. Je sais pas ouais. S'il y a un salut spécial chez les anabaptistes, il faudrait que je vérifie ça. Non, pas vraiment, enfin, pour le coup... Enfin bref, je le salue. Et tout simplement, je vais le mettre directement au courant du fait que je ne sais pas ce qui se passe entre eux et leur... et leur pote apocalyptique, mais qu'a priori ça va changer dans un petit moment parce que leur patronne est morte. Et que le contrat doit être gardé. Fais pas la merde. Ok. Tu sais comment elle est morte? A priori. Ce que tu me dis sera pas répété au patron, mais j'ai besoin de savoir. A priori, elle serait suicidée. Est-ce que tu sais s'il y avait de l'argent dans les coffres? Tout large. Attends, est-ce que je le savais ça ou pas? Oui, il semble. Peut-être j'ai dit bêtises. Il a pas vu le coffre. Lui. Non, mais il semble que le mec disait oui, on a plein d'argent, etc. Donc pour moi. C'est ce que lui a dit le mec, mais j'imagine que sur le chemin en direction de l'auberge, vous avez pu lui raconter. Si c'est le cas, je lui ai bien dit qu'il faut pas lire. Hein. Si je lui en ai parlé, je n'ai pas dit genre, moi, je n'hésite pas à nous enfoncer. Toi seul, Mokosh, je peux décider. C'est la vérité. a priori, ils auraient de l'argent. Ok. On les soupçonnait d'avoir fait faillite. D'avoir acheté des stocks en gros qui leur sont jamais parvenus. Bah, je sais pas si c'est ça ou si ils ont été volés depuis la mort de leur patronne. Mm. Mais en tout cas, ils souhaitent continuer à faire affaire. Alors. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous pouvez utiliser leur manque d'argent pour avoir des accords bien plus appréciables. Faites ce que vous voulez avec ça. C'est vrai que si elle s'est bien suicidée, il y a des chances que. Que elle ce soit par un mort propre après avoir tout perdu. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont affaiblis. Et ça veut dire qu'on va pouvoir en profiter. À supposer que ce soit le cas. Même si visiblement, ce que tu me dis a l'air de prouver l'inverse. Bon, on verra. Merci beaucoup. J'imagine qu'ils t'ont promis quelque chose pour me délivrer cette information. Oui, je vais avoir un petit quelque chose. Bon, en tout cas, j'apprécie. Bien. Bon, bah après, je m'en vais du coup. Ok. Bon, allez, gros bisous. Attends, quoi? Tu vas être accueilli jusqu'à la sortie. Puis après, visiblement, un gros. harcèlement à l'oral, hein, j'entends, il t'a pas fait la bise non plus, mais... il te laisse retrouver, enfin partir retrouver Abim et Torik. D'ailleurs, Abim et Torik, vous, oui, vous êtes d'ailleurs, retournés. Un truc que je voulais, oui, indiquer, et c'est dommage que du coup, enfin genre, je le jure que j'y avais pensé avant cette scène-là, donc cette scène n'a pas influé le choix que je vais faire. Ouais. Mais je voulais prendre le sac d'argent qu'on a eu de l'acrobate. D'accord, très bien. Voilà, je. Il y a aucun problème. Merci. Très bien, du coup, là, ouais, tu te rends sur place. vous retournez voir l'autre qui, visiblement, est déjà prêt à prendre la relève. Il a changé de tenue pour un truc beaucoup plus noble, enfin, beaucoup plus raffiné. Alors, donc là, bien, vous êtes dans l'arrière-salle. Écoutez, effectivement, après maintes tests, il semblerait que oui, ce soit véritablement un suicide. Et ça daterait d'une journée à peu près, donc ce serait la nuit dernière, je pense. Ok, ok, ouais. J'en suis fort désolé. Vous avez un rapport pour confirmer ça? Un rapport bah écoutez, signé par l'un de vos collègues. Oui, enfin, après, est-ce que oui, on est fait ça. Vous pensez en prendre un, oui, bah, je lui tends une feuille avec le cachet des hospitaliers dessus. Voilà. Tu vois, il montre un de ses potes. J'ai bien fait comprendre que c'était une personne lambda, donc le rapport est très sommaire. Il n'y aura pas, vous n'aurez pas beaucoup de choses dessus. Hein. Et d'ailleurs, le corps a été brûlé. Donc, ouais, écoutez, par contre, faut qu'on parle également. Oui. Après que vous soyez parti, on a fait un petit tour des lieux. Mm-hmm. Et il se trouve que Mai, qui était allongé dans le lit là-bas, est vraiment mort. On l'a retrouvé avec une bonne trace de sang à l'arrière du crâne. Oh, il était dans tous ses états. Il se serait cogné. C'est ce qu'on a pensé, mais bon, il n'y avait aucune trace de sang autre part. Comment se serait-il fait cela? C'est ce que je suis en train de vous demander. Bah, aucune idée. Nous, on sait que genre... moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Je suis rentré avec notre ami ici présent pour faire ce qu'on a à faire. Et il voulait voir. Du coup, je lui ai fait comprendre que vu la posture de... Je m'en toujours montrer de la tête au lieu de finir les phrases. Voilà, je lui ai dit que c'était pas vraiment possible. Et donc, du coup, qu'il devait... genre détourner le regard, et bah après c'est ce qu'il a fait, et bon, il était totalement dans un état second, il s'est peut-être assommé pendant qu'on faisait nos affaires, qu'est-ce que j'en sais, mais nous, on a fait. Et après, d'un point de vue tout à fait scientifique et donc en tant que médecin, bon, vous savez que nous, hospitaliers, nous apprécions pas trop vos pratiques avec l'inhalation des spores et tout ça, puisque nous savons les méfaits que peuvent apporter ce genre de pratiques, surtout au psyché. Et il est très très courant que quand vous êtes sous emprise de cette drogue ou cet alcool, vous ayez des comportements déviants et voire même autodestructeurs. Donc il est fort probable que peut-être il s'est lui-même. C'était vachement chiant ce que tu viens de dire. Certes, hein. Ah, écoutez, moi je ne suis qu'un hospitalier. Je tolère, enfin nous tolérons ça ici. Pour le bien de tous, mais vous savez que notre point de vue par rapport à un jet de volonté. Oui. Tu veux quoi comme jet? Un jet de volonté. Volonté? C'est psyché. Willpower. C'est ça. Ah, willpower. Oh putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés, je crois. Non, 4. Oh, putain, moi j'en ai que 3. J'ai un succès. Oh, j'ai 4 succès, dont un déclencheur. Ok, tu vois, toi, Torik, ils t'ont pas du tout suivi. Parce que tu vois, non, mais... c'est vraiment pour eux un gros. Ils ont complètement lâché. Il était relou. Ouais. Ah, bah, moi, c'est du charabia de. Tu vois, il te regarde. Il a l'air pas presque dubitatif, mais vous parlez quand même beaucoup. Oui, non, mais. Alors du coup, il se lève. Bon, écoute. Pour moi, elle s'est suicidée. Je vous fais confiance. Maintenant, regarde-moi bien. Ouais. L'Anabaptiste de tout à l'heure, je la connais très très bien. Ouais. Je sais de quoi elle est capable. T'as pas aidé. Ouais. Si jamais j'apprends que vous êtes lié d'une manière ou d'une autre à ce qui s'est passé ici, que la moindre événement qui pourrait survenir au futur me met des bâtons dans les roues. Est-ce que je peux t'interrompre? Ah, ça y est, je l'ai fait. Vas-y, vas-y. Bon, tes menaces, c'est bon, on a compris, ça fait 3 fois que tu me mets ça. Tu es sûr que l'argent a disparu d'ici? On peut pas écarter l'idée qu'il n'y ait jamais eu d'argent. Très bien. Ou qu'elle l'ait potentiellement déplacée ailleurs. Mais dans ce cas-là, il n'y en avait pas beaucoup. Sinon, on l'aurait vu. Le coffre était rempli à ras-bord. Tu sais quoi? Ce que serait pas faire la première fois qu'une corneille montre un empire commercial sur du vent. Bien sûr. Toi, tu veux devenir un nouvel corneille? Ouais, je suis déjà quasiment d'ailleurs. Donc. Parfait. Question, c'est quoi le nom de Manuet? Parce que du coup, j'en ai pas trouvé. Et. Je t'avoue que les noms de nuées, c'est très compliqué. J'ai pas trouvé quelque chose d'inspirant. Est-ce que t'as pas un truc? Si tu veux, pas de soucis. Ça serait gentil. La nuée de l'obsidienne. Parfait, bah écoute. Ça sera facile à revenir. Bah, ce que je vais faire, c'est une action au nom de la nuée d'obsidienne. Tu vas retenir cette action, et le jour qu'on aura besoin de vous, vous répondez présent, ou c'est moi qui appelle l'Anabaptiste que vous nous connaissez bien pour vous défoncer, c'est clair? Fais-moi un jet de domination. S'il veut. Qui va défendre avec un jet de volonté. 1, 2, 3. J'arrive pas à lire des fois les. Oh! Bah écoute, sur 4D, j'ai fait 4 réussites dans 2 déclencheurs. Je suis plutôt fier de moi, parce que j'aurais pas pu faire plus. J'ai fait 4 réussites, 2 déclencheurs. Ok. Tu vois, alors, je l'ai peut-être pas précisé, mais la réunion, entre guillemets, était. Se faisait sur des. Enfin, il était assis. Mmh. Au moment où là, il a commencé à essayer de faire ses menaces, il s'est relevé. Donc il était debout. Il vient de se réassurer. Parfait. C'est ça que j'aime. C'est moi qui me suis levé. Okay. Donc du coup, c'est bon, là, il est totalement... Tu viens de lui faire comprendre qu'est-ce qu'il contrôlait, enfin, qui c'était le patron. Et qu'il avait des contacts à justicienne. Et que... C'était pas le moment pour lui qu'il y ait d'autres nuées qui viennent tenter de choper le business qui était en place ici. Bien sûr. Parce qu'en soi, même s'il y a pas mal de lits, s'ils sont une dizaine de mecs qui se font assassiner, ça s'est déjà vu. Du coup, lui, donne-moi ton nom. Tire. Ok, faudra que tu me l'écris. Très bien, pas de soucis. Merci. J'attends l'écriture. Merci Thierry. Donc, je prends le sac de Anabaptiste, je le pose sur la table, je fais ça, ce sera le fond de vos prochains investissements. Ce que je fais là, je retiens ton nom, à tout jamais, et le jour où on a besoin de vous, vous avez intérêt à répondre. Tu pars pas sur du vide, et t'as intérêt à bien faire marcher le commerce, c'est clair? Ok, t'as ma parole. Parfait. Et toi, ton nom, c'est quoi? Abby. Cœur d'obsidienne. Ravi d'avoir fait avec vous, affaire avec vous, Abby, cœur d'obsidienne.